bateau, là, c'était un petit bateau à moteur, et le bateau moteur est tombé en rade, quoi. Donc, on a été obligé. Heureusement qu'on arrive, on est proche du bord, donc on est à pied, mais il faut qu'on pousse le bateau et on peut pas redémarrer, donc on passe la nuit sur l'île déserte. L'enfant, il s'accompagne autour d'eux. On l'accompagne parce que c'est ça. Le mot élever, Thomas, le mot accompagnement, ils prennent tout leur sens. Élever, je t'élève au rang d'adulte. C'est ça le but du jeu. Les chauffeurs de taxi, putain, au Niger, le seul blanc qui prend le taxi. Je monte le premier dans le taxi, mais il me descend le dernier. Hein. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous, en fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter cet épisode, ou en fonction de là où vous vous situez sur notre très chère planète, mes salutations devraient convenir à tous les francophones parmi vous. Nouvel épisode sur Footballagogie, bienvenue. Surtout, bienvenue et merci à David, Monsieur Boissiera, qui nous fait le privilège d'intervenir sur le podcast après que je l'ai eu en tant que recommandation, c'est la deuxième fois. Néanmoins, c'est la première fois après un an et demi d'échange, de partage via ce podcast, que je rencontre en chair et en os mon intervenant. Je ne suis toujours pas professionnel, c'est encore laborieux, il y a encore énormément de travail, vous pourrez l'écouter. Néanmoins, ça a été un fort apprentissage, encore une fois un fort moment pour moi. Grâce à lui, nous voyagerons au Niger, aux États-Unis, en Guinée-Bissau. Il fera du lien entre son rôle au sein de l'éducation nationale et son rôle dans les associations en tant qu'entraîneur et éducateur. Autant vous dire qu'il va encore y avoir beaucoup de contenu. Évidemment, je vous souhaite une excellente écoute et en espérant que vous pourrez apprécier cet épisode. David, merci beaucoup d'être là. Et est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter succinctement ? D'accord. Ben, merci à toi d'ailleurs de m'accueillir. Et sache que je suis très honoré de pouvoir m'entretenir avec toi là, sur mon parcours. Tout simplement une petite présentation rapide. Je suis David Boissiera, j'ai 52 ans. J'ai grandi et j'habite toujours en Seine-Saint-Denis. J'ai joué au football jusqu'à 25 ans au CA Romainville. J'ai eu de la chance de pouvoir jouer au plus haut niveau. En étant jeune, sans m'en rendre compte. C'est aussi important, on y reviendra peut-être après. Et ma vie d'adulte se résume à une carrière d'éducateur. L'éducateur de football. Je vis grâce à ça, avec des hauts et des bas sur une vingtaine d'années depuis 98, mais voilà, et puis je me définis comme un coach peace and love, un éducateur, philosophe et bohémien du football. C'est excellent. Merci beaucoup, David. Ceux qui ont l'habitude d'écouter, ils savent que tu en as déjà assez dit pour m'intéresser. ça m'intéresse. Pourquoi tu dis ça, justement ? Pourquoi tu n'en avais pas conscience que c'était les hauts niveaux ? Parce que pour moi, je jouais que pour le plaisir. Je me suis rendu compte que j'avais pas toute cette pression, comme on dit aujourd'hui, cette prise de tête... Cette connaissance du jeu qu'ont les jeunes d'aujourd'hui, les 13 ans, les 14 ans, les 15 ans, moi je crois que mon intelligence de jeu, elle est venue à partir de 18 ans, 19 ans. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, je suis capable de jouer à tous les postes, je me sers des deux pieds. Mais voilà, c'était. Si tu veux, moi, j'ai pas compris que le seul coach que j'avais, c'est le dernier entraîneur entre guillemets sérieux que j'ai eu, c'est monsieur Jacques Lancard, paix à son âme, parce qu'il est parti il y a 2 mois, je crois, 3 mois, un peu même pas. C'est le premier éducateur entraîneur, c'était un vrai entraîneur, c'est pas éducateur, tu vois, il faut faire la différence aussi. Il avait deux doubles pages pour nous parler des adversaires. On jouait à Romainville. Non, en senior, on était. D'accord. En senior, c'était PH pour accéder en DHR. À l'époque, c'était ça représentait, je ne sais même plus aujourd'hui, quoi, peut-être R1, R2, on va dire. Quoi. Je crois, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Voilà, moi, en cadet national, j'avais un entraîneur, c'était un meneur d'hommes. Il savait jouer, il savait nous motiver, mais il n'y avait pas de tactique. J'ai joué en cadet national. C'est pas qu'il n'y avait pas de tactique. Il y en avait, on était en place. Mais si tu veux, joue, c'est le feeling, quoi. Fais-toi plaisir, kiffe. Si tu fais un faux match, tu joues pas, là, tu vas te faire engueuler et tout. Mais la plupart du temps, on se faisait pas engueuler parce que même si on perdait, on faisait des beaux matchs, on était. Voilà, c'est que les mecs, ils étaient plus forts que nous en face, quoi. S'ils nous battaient. Et à quoi du coup tu fais la différence Donc, je entre un fais la éducateur différence parce que quand je commence à être éducateur d'équipe, je commence à, donc à Pavillon-sous-Bois, j'ai eu ma première année, je suis eu 15-3, je crois. Les deux ou trois premières années, j'ai eu 15-3, eu 15-2. Et au bout du milieu du championnat, je les entends tous parler de, là, c'était 3e division de district, 2e division de district, machin. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'équipe, comment mon équipe, comment elle jouait, mes gamins, comment les joueurs, comment ils jouaient, je m'en fous. De gagner des matchs, ok, on a gagné des matchs, il y avait un championnat, mais j'avais pas cette truc de, ouais, 3e division de district, bah, c'est le plus bas des échelles, quoi. Et puis, il faut chercher à monter en première division. Parce que moi, en excellence, à l'époque, je me rappelle plus, moi, je l'avais pas. Peut-être parce qu'on jouait toujours au plus haut niveau, donc on devait pas. Et qu'on était souvent fort, quoi. J'avais une belle promotion aussi. Donc je me suis rendu compte au bout d'un moment, j'ai fait merde. Mais moi, à l'orage, donc j'ai entraîné des deuxième division de district, première division, et je suis monté jusqu'en excellence parce que j'y arrivais, quoi. Tactiquement, intellectuellement, sans prétention. Pour driver une équipe de petits jusqu'en excellence, c'est super facile, quoi. Mais là, tu étais éducateur. Ouais, donc c'est voilà, éducateur de foot. Et là, donc au bout d'un moment, j'ai dit aux gamins, je me suis pris en exemple, quoi. J'aime pas trop le faire, mais là, j'ai dit, les petits, moi, vous jouez qu'en deuxième, c'est rien du tout. On se fait plaisir. Parce qu'il y avait cette notion de pression, je crois. C'était ça qui m'a fait agir. Qui m'a fait répartir. Du club ou des joueurs? Non, non, non, les petits, ils avaient Sur les peur. joueurs. Ouais, ils se mettent la pression tout seuls, les petits. C'est ça aussi, on peut y revenir après, mais dans l'apprentissage, c'est important, c'est la notion des émotions, la gestion des émotions, quoi. Et comment tu fais à 12 ans pour. Tu sais qu'il faut gagner le match. Mais bon, c'est pas grave si tu le perds. Ça, c'est ton Pas rôle grave. d'éducateur. Voilà, ça, c'est le rôle des. Donc, au bout d'un moment, j'ai rebondi sur ça, j'ai écouté. Et nous, moi j'ai joué au plus haut niveau et on rigolait, on était tout, on donnait tout sur le terrain, c'était tout simple quoi, pour nous. Donc voilà, c'était là où j'ai compris que j'ai joué à un haut niveau quand j'étais petit. Et justement, à quel moment on devient entraîneur? Ou à quel moment le rôle devient l'entraîneur? Je sais pas, tu deviens entraîneur quand tu es un entraîneur. Thomas, c'est quand tu as une équipe d'adultes. D'accord. Et encore, pas une équipe d'adultes à un bon niveau, là tu as un entraîneur, si tu arrives, tu as un bon groupe qui te suit, tu vas les faire progresser physiquement, oui, en mettant par la mise en place, mais ça c'est l'individu qui voudra travailler ou pas. Tactiquement, pareil, si tu as une vraie dynamique spirituelle. Sinon, entraîneur, tu es entraîneur quand tu as une équipe de bon niveau. T'es entraîneur ouais, ou d'adulte. Après, t'es un éducateur. Tu peux avoir une équipe, être éducateur et faire bien jouer ton équipe, même qu'elle est en deuxième division de district. C'est ça le but du jeu. C'est ça qui est super drôle. Et qui est super fort. Est-ce que tu estimes avoir été entraîneur à un moment donné Moi, sur ton parcours avec mes ou... filles, ouais. Avec les seniors féminines, ouais. J'ai gagné des championnats. On a passé 4-5 tours de avec les filles. Donc c'était le niveau, c'était le classe, enfin c'était le niveau de compétition, c'était le niveau Avec des les filles, joueuses. c'était le travail avec les filles, il a été. Personnellement, ça a été un aboutissement. Sur 3 saisons. Là, par exemple, t'es quel club? Quelle année? Quel club? Pavillon-sous-Bois, 2003, 2004, 2005. D'accord. Des seniors. Des seniors de A à Z. J'ai commencé. Ouais, 2003, je pourrais te retrouver les dates, mais j'ai commencé en 2003, le samedi après-midi, après mon match de U15C ou U15B. J'avais 7 ou 8 filles sur un stable, 7 ou 8 adultes. Je le connais, ce synthé. Ouais. Non, pas le stable, le Le stable stable bleu. rouge, je le connais. Ouais. Le rouge, le gris au fond à côté de la pétanque. Deuxième année, on est 12-13. on fait le championnat. Non, fin de première année, je demande aux filles, vous voulez continuer? Ouais, on continue, vous voulez faire? Moi, je voulais faire. Mon truc, c'était de faire du foot des adultes. Je ne voulais pas m'être pollué par les garçons. Les garçons, je le savais que les garçons, pour moi, je n'étais pas capable de gérer. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je ne fais pas du foot. Du foot, tu gères que des trucs, que des à côté du football. Chez les garçons? Ouais, chez les garçons. Mais moins chez les filles. Bah ouais, chez les filles, il y en avait, pour l'un, Au y avait début, pas en tout avoir ça. cas, c'était foot. Ouais, c'était foot et intellectuellement parlant. Thomas, il faut reconnaître que les filles, elles réfléchissent mieux que les garçons. C'est Différemment, différemment, si tu dans veux. l'implication, dans... Aujourd'hui, bref. Donc, On va y venir. on va y venir. si tu veux, donc les nanas, c'est ça, 2000. Donc je commence ça, la fin de première année, vous voulez. Ouais, on continue, vous voulez faire le championnat? Je les laisse toujours. Moi, je sais ce que je veux faire, mais je les laisse choisir. On peut jouer foot à 7 ou foot à 11. Moi, ce qui m'intéresse, c'est foot à 11, c'est bien, je fais un foot à 11, si vous voulez, on peut voir. Ah ben, vas-y, David, on suit foot à 11. La deuxième année, on est 14, 15, 16 joueuses à l'entraînement. Des débutantes, hein. C'était marrant, quoi. Bref. Et le championnat, bah, il est tout pipé, quoi. Il n'y a pas de niveau, il y a pas de. Il suffit que tu arrives à apprendre à tes joueurs, Un petit peu. à contrôler, à attaque, un peu de coordination, contrôle, balle, kick, se déplacer, de faire une passe, d'en avoir une ou deux qui touchent la balle, qui sont au-dessus, c'est pépère. Bref, bon, je dis ça, mais c'est dans ma tête. Et je sais plus ce qu'on fait, on doit faire au milieu de tableau. Et ben, fin de saison, vous voulez faire un truc? Vous voulez qu'on continue? Ouais, on continue. Mais vous voulez gagner le championnat? Vous voulez jouer? Non, j'ai pas dit de gagner le championnat, ça serait prétentieux, je pense pas. Vous voulez se faire comme objectif et essayer de gagner le championnat, d'être championne. Bah ouais, ça peut le faire. Mais il faut être un peu sérieux. Ça veut dire qu'il faut être sérieux. Il faut venir deux fois à l'entraînement, être à l'écoute, se prendre un peu. Il va y avoir un peu de prise de tête, quoi. Ouais, il n'y a pas de problème. J'ai la chance, mon pote qui est à Blanc-Ménil, qui m'envoie deux, trois joueuses qui sont sur leur fin. Elles sont 24, 25 ans, mais bref, à Blanc-Ménil, ça part un peu en quenille. Mais tiens, elles sont au profil, elles sont pépères. Je me retrouve avec 17, 18 filles. Et même intellectuellement, humainement parlant, les nanas, elles sont top. Donc, bah. On expose tout. Quels sont les ingrédients que tu mets, enfin, quels sont les ingrédients d'après toi qu'il faut mettre pour tendre vers le meilleur résultat possible? La force collective. Okay. Comment on la crée cette dynamique? Comment on crée cette... C'est avec la compréhension de l'autre, que de savoir que tu peux pas jouer au football sans l'autre. Tu peux pas. Voilà, tout ton ego, tu le mets de côté, au service, et tu laisses la partie égoïste, égocentrique de ton truc pour le collectif, quoi. C'est super dur, hein, c'est super dur. Même au niveau amateur, tu le vois au niveau professionnel. Comment c'est compliqué. Après, c'est ça, au niveau. Si on arrive à déjà avoir cette petite-là, parce qu'après, il y a la coordination au niveau des déplacements. Bon, mais je pense que ça, c'est les connexions neuronales qui font que tu arrives au bout d'un moment quand tu es un senior à la répétition. C'est là, je te disais tout à l'heure, l'intuition. C'est en fait, ton cerveau, il est déconnecté. Il sait ce que tu vas faire. Il sait que si ton pote il est au milieu de terrain avec le ballon mal au pied, tu vas même pas, hein, faire un recul vers la ligne de touche pour faire un appel profondeur après, quoi. Donc voilà, les filles, ouais, c'était. Et les filles, ouais, j'ai tout gagné intellectuellement, sportivement. On a joué, on a fait des tours, et je crois que, ouais, on a tenu la grimpe pendant une ou deux saisons, quoi. Et après, ouais, j'arrive à la fin de 2007, je suis parti C'est là, 2007, j'ai fait mon premier voyage. Et j'ai On va y départ. venir, justement. Voilà, donc, ouais, le foot féminin. Donc, ouais, je suis entraîneur de foot féminin. Mais après, ça s'est super mal passé. Je suis à un beau jour, ça s'est pas super bien passé. J'ai été entraîneur d'une équipe d'étudiants universitaires et ça s'est pas bien passé. Et pareil avec une équipe de foot à 7 là, de filles d'une société, ça s'est pas bien passé. Foot entreprise. Foot entreprise, ouais. Quand je dis ça s'est pas bien passé, je me suis fait jeter, quoi. D'accord. C'est ça que ça veut dire. En plus, je pars, quoi. Là, à Vaujours, j'ai attendu, mais je le savais. Et là, mars, mais j'ai fait, c'était n'importe quoi. Entre ce qu'on m'a demandé et ma conception d'entraîneur, je ne pouvais pas être plus sérieux que je ne... Tu l'étais, en hein. gros, c'était, on me demandait d'être... Ouais, tu fais l'entraîneur, mais tu as jamais les... Tu as 8 joueuses à l'entraînement. En match, tu en as 15 qui ne sont pas les mêmes. Il faut que tu fasses le coach. Faut... Ce n'est pas ma conception, quoi. Un coach en match, il doit se taire, la logique. Tu as fait ton travail la semaine, surtout sur des seniors, quoi. Tu as fait ton travail ta semaine, tac, tac. Tu as fait les... tu as planifié, tu as parlé à droite ou à gauche sur des 2-3 combis. T'as remis, par rapport à l'autre match, t'as remis en place 2-3 joueuses, et c'est à vous qui jouez. C'est... Donc là, il fallait faire ça, donc ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est que de la console, le foot des adultes, hein, au niveau amateur, faiblement, quoi. Ça l'a toujours été. Est-ce qu'à ton âge, t'avais l'impression, justement, que c'était de la consommation? Toi peut-être non. Pas, mais autour de toi. Non, non. Cette notion de consommation, on l'a arrivée il y a 15 ans. Et comment elle est arrivée? Je ne sais pas, c'est la société, Thomas. Il y a plein de choses, après il faut faire un parallèle. La société, l'histoire des douches, les machins, ça a commencé par ça. Le foot féminin, c'est compliqué aujourd'hui, hein. On pourra y revenir après, mais voilà, c'est sociétal. Et sociétal, ça englobe plein de choses. C'est Je réfléchis en même temps. Aujourd'hui, tu... Moi, jamais... Tu me vois arriver avec mon sac de chaussures de foot seulement pour aller à l'entraînement. Mais je pense que ça, c'est... Ouais, si, j'ai joué... En vrai, j'ai fait quelques apparitions. Mon dernier match senior, j'ai joué à 42 ans, mon dernier match senior. Mais toi, tu l'as vu, cette transformation? Ouais, je peux pas te dire quand, mais je l'ai vu. Ouais, c'est clair, c'est évident. Mais c'est comme il y a une transformation au niveau du bénévolat, au niveau des dirigeants. C'est comme il y a une nous, ma jeunesse, moi je l'ai passé avec des dirigeants, ils savaient pourquoi ils étaient bénévoles parce qu'ils aimaient le foot, mais parce qu'ils savaient c'était quoi d'être dans une association. Et pourquoi tu crois que ça s'est perdu? Mais parce que on a été éduqué, la société c'est que de la conso. Aujourd'hui, ils se sont arrangés pour faire gober aux parents d'acheter des baskets à des Adidas à des enfants, à des bébés de 3 mois. Mais laisse le marché pieds nus, le bébé de 3 mois, en vrai, qui découvre le sol. Tu vois, on est là. L'enfant, ça a été une cible consommatrice. Ça, c'est dans les années 60. Nous, dans les années 80, il n'y a pas ce qui se passe. Et ça a été, c'est l'accélération technologique, tout seul. Du coup, je vais essayer de poser une question, David. Est-ce que toi, quand tu es joueur, de tes parents, de tes oncles ou autour de toi, ou de tes entraîneurs, tu avais déjà eu écho que le foot avait déjà évolué? Non. Quand eux, ouais, non. C'était à peu près le même football? Ouais. Du bénévolat, du don de soi, du plaisir de jouer. Ouais. Mon père, mon père, il vient de Tunis. Ils sont arrivés, il avait 17 ans. Bon, il a joué après avec il avait une équipe de chauffeurs de taxi tunisiens. Il m'a dit qu'il a joué, mais non, c'était pour... Et après, il m'a suivi dans mon épopée, dans ma carrière. Même si c'est plus le meilleur pour un enfant, c'est peut-être, mais dans mon histoire avec le football de jeune, il m'a suivi, il était là. Le dimanche, je tournais ma tête sur les terrains, parce qu'on jouait sur toute l'île de France. Voilà, on était, DH, des minimes, j'ai fait DH, j'ai fait championnat de Paris, et j'ai gagné la Coupe de Paris. C'est à Romainville, c'est à Romainville, c'est le one shot, c'est le club. J'ai deux générations derrière Bolly, quoi. Et qu'est-ce que, justement, dans le football qui évolue, là, est-ce qu'il y a des choses qui restent, toi, quand tu as été joueur, ou tu sens vraiment que ça s'est complètement transformé? Après, j'ai pas été dans le... ça, c'est mieux. Ça, c'est... Je pense que ça, c'est les éducateurs. Structurés, ouais, mieux formés. Les éducateurs mieux formés, structurés un petit peu. Mais il n'y a pas que du mauvais, mais est-ce que ça a été vraiment dans le... Est-ce que ça a permis de développer le rôle social d'un club? Je ne le crois pas. Ça a permis de développer le sens de la compétition. Parce qu'il faut savoir qu'un club de foot, de niveau amateur, ça subit les mêmes... C'est-à-dire qu'il y a les mêmes règlements pour un club amateur qui joue en district qu'un club qui joue en ligue ou qui joue... qui est régie par la Ligue de Paris, c'est-à-dire avec des amendes au niveau des feuilles de match, elles ne sont pas bien remplies, les cartons jaunes, c'est des factures ceci, des factures cela, il y a plein de choses. L'institution est trop oppressive, elle bride. Donc, ça a permis, voilà, tout ce système de championnat, de monter, descendre, est-ce que c'est bien vu, est-ce que c'est pas bien vu. Au niveau des petits, il y a un travail de fait. Il y a une volonté, les critériums, c'est une volonté de faire de moins de jouer de compétition et tout ça. Mais en vrai, ma réflexion, Thomas, c'est, et elle date pas de bien longtemps, hein, mais c'est est-ce que c'est justement cette méthode-là, elle nous a servi que de faire que de la compétition. Tu vois, amener, c'est ça en vrai. Et quand tu le vois, tu te dis, bah ouais, parce que c'est ça. Regarde, ils nous ont tous cassé les pieds, là, la fédération. Ouais, on est champion du France, champion d'Europe U17, on est champion du monde U19, on est Tménic U18. Ouais, on a tout gagné dans les équipes de jeunes. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? On est 2010, équipe de France. Voilà, je vais pas rentrer dans une polémique plus, mais c'est tout, c'est donc il y a voilà, est-ce que c'est bien? Oui, il y a des bonnes choses de fait, ça c'est sûr, mais on a oublié trop de choses, et on a oublié trop de choses, et malheureusement les jeunes, les générations de ma génération, quoi, parce que c'est ma génération à moi aujourd'hui qui doit être dirigeant, qui doit être voilà, un garçon comme le président de Livry, il est de ma génération, à plus 1 ou 2, 3 ans, ou moins 1, 2, 3 ans, quoi. C'est pareil. Vous êtes, quoi, les guides, quand même. Ouais, c'est à nous. C'est notre génération de... C'est ces joueurs-là, là, entre 45... Aujourd'hui, t'es dirigeant entre 45, 60 piges, 70 piges, 80 si t'as la forme, si t'as envie. C'est ça, le truc. Tu vois, tu t'impliques dans ton machin. Sportivement, c'est plus compliqué. Moi, pour moi, ça va être difficile. Je me vois mal être dans 10 piges, encore être sur le terrain à courir. J'espère que j'aurai la force. Mais c'est moins... Je veux plus jouer au foot parce que c'est ça. Moi, je pense que généralement, un joueur de foot, là, vas-y, à 50 ans, arrêtez de jouer. T'as plus de force, tu respectes plus sport. Si t'es pas bien en forme physiquement, trouve un autre truc, quoi. Mais voilà, bon, mais c'est ma philosophie par rapport au jeu. On va y revenir, du coup. Dans ta présentation, tu dis aussi voyageur. Ça me semble important de parler. Je coupe volontairement parce que justement, sur la fin, on abordera un peu le comment on peut voir le football un peu différemment. Tu as parlé de voyage, donc a priori parler de voyage, bah, peut-être dû aussi à ton père qui a déjà fait un premier voyage en France. Comment justement tu allies ta passion et le voyage? Pourquoi tu veux justement t'expatrier dans le cadre du foot? C'est quoi l'intérêt? Parce que moi j'essaie de me projeter, je m'identifie un peu à ton parcours. C'est quoi comment tu décolles? Pourquoi le voyage? Comment tu décolles et où est-ce que ça commence? C'est grâce au football que je voyage. Et c'est grâce à mon rôle d'éducateur, à ce rôle d'éducateur, que j'ai pu mettre ça en place. Cette notion de voyage, elle est arrivée il n'y a pas longtemps, quoi. C'est quoi mon premier voyage? Il est en 2000. J'ai fait un premier voyage de 3 mois en kibboutz en Israël comme volontaire. On est en 93. Pas dans le football. Pas dans le football du tout. D'accord. Voilà, c'est mon premier voyage de 3 mois où je suis vraiment parti. Mais en fait, je suis parti. J'ai mon frère avec moi. Je suis parti rejoindre mon frère. Mais ce voyage là, au travers du football. C'est ce rôle d'éducateur et c'est le football, c'est grâce à ce métier. J'ai envie de dire que c'est un métier, tu vois, que j'ai fait là. Et c'est grâce à ce métier que j'ai pu... C'est un travail. C'est un travail, mais ça, moi, mon rapport au travail, c'est philosophique. D'accord. J'ai du mal à être conditionné par le travail. Je ne peux pas me laisser conditionner par le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis super heureux de faire ce que je veux, de faire ce que j'aime et de pouvoir avoir vécu grâce à ça, quoi, pas mal de temps. À mon niveau, tu te rends compte, c'est que au niveau amateur, j'ai pas touché de haut niveau, c'est que des trucs que c'est moi qui les ai créés, quoi. Voilà, c'est pour ça, c'est un métier, mais c'est un métier parce que tout être, tout humain, il faut qu'il travaille pour la société. Okay. Mon voyage en Israël. J'ai entendu un écrivain dire ça. Mon voyage en Israël, c'est j'ai travaillé dans un kibboutz. Pendant 3 mois, j'étais dans une cuisine, j'épluchais les patates, les pommes de terre, je lavais la vaisselle et tout, et j'étais hébergé, logé, nourri. Est-ce que c'est grâce à cette aventure que tu as eu envie de dire je vais revoyager et non, en plus, non, je sais que ce soit mon voyage, c'était la connaissance de ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est ça, c'est cette envie, mais j'ai pas. Mais si tu veux, c'était pas chez moi, c'était pas. C'est venu. C'est venu avec mon pote en fait. Qui me dit, David, viens, on monte un projet. Regarde, tu fais de la formation d'entraîneur. Moi, je suis là, c'est mon premier truc. Si tu veux, pendant un mois, on monte un petit projet. On se fait. D'abord, c'est ça. C'est, ouais, tu vois, en parlant, c'est un rapport plus. Si tu veux, j'ai vraiment. C'est une aventure. Ouais, c'est une aventure, mais c'est. Non, mais c'est même pas une aventure. C'est j'ai joint l'utile à l'agréable. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire bah, que. Oui. Et c'est ça, voilà, ma notion de travail, c'est l'utile à l'agréable. Si tu veux. Ça me parle. C'est bon. Donc c'est lui qui me. Je dis, bah ok, vas-y, ça marche, je suis chaud. Et moi, là, si tu veux. 2008, 2009. Ça, c'est 2003-2004. Ok, 2003-2004. Tu es formateur en France. J'ai fait un peu de formation au district, mais tu deviens. Parce que tu as envie de. Pour comment tu de deviens t'impliquer. Formateur. Mmh. Voilà, c'est parce que tu as envie de t'impliquer. Tu te lèves à 7h, tu es courageux, les cadres, ils sont contents, ils ont un jojo qui vient, machin, ils ont un mec. Mais ouais, mais. En vrai, c'est comme ça, parce qu'après, il n'y a personne qui m'a tendu la perche. Ben ouais, il faut, mais moi, je... Non. Parce que je ne suis pas un calculateur, Thomas. C'est ça qui... Je ne calcule pas, je joue, j'y vais. Action. Action, peut-être pas, mais c'est... Ouais, je ne calcule pas. Donc voilà. L'idée, c'est d'aller retranscrire ça à l'étranger. Donc voilà, ouais. Formation, premier soin, et puis voilà, découvrir, quoi. Et je vais partir en Afrique. Ok. Donc là, on part où là ? En Guinée-Bissau. Ok, fais-nous voyager. Premier voyage, hein. Je suis en 2003, le pays il arrive, Guinée-Bissau, ça fait partie à côté de la Guinée-Conakry, c'est juste à côté du Sénégal. D'accord. Et le pays il est juste, il sort juste d'une guerre d'indépendance, je ne sais pas trop exactement. J'arrive là-bas chez mon pote il est responsable de la construction d'un hôpital. Ok. Donc il est là, il est dans une maison, mais il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, c'est au générateur, c'est voilà quoi, c'est roule. Donc c'est un voyage de un mois. Sur le mois, il y avait les vacances. Voilà, c'est pour ça que je me dis, j'ai vraiment joint l'utile à l'agréable. Mais c'est, après, j'ai toujours pris comme ça, parce qu'il y avait les fêtes. C'était les fêtes de fin d'année. D'accord. Donc, on a monté le projet sur 15 jours et on s'est pris 15 jours de vacances. Et là, ils m'ont emmené aux îles Bijagos. C'est des îles où ils font monter du pêche au gros, là, sur les gros bateaux. Et un truc de ouf. Un truc, j'ai passé 3 jours de dingue. Mais et là, pareil, formation d'éducateur, des mecs qui sont là, j'ai un traducteur parce qu'ils sont en portugais. Et donc voilà, pendant 15 jours, et je fais de la formation en salle comme ils m'avaient appris. Comment ça se passe? Ils ont fait de la. Enfin, en gros, ils rassemblent plein d'éducateurs ouais, de tout le pays. Non, c'était juste... une ville. Il y avait deux. Un club. Ouais, c'était une ville. Là. C'était en fait un des mecs qui travaillait pour mon pote qui était dirigeant dans une petite c'était une petite association, une petite structure qui avait des gamins qui faisaient jouer. Il y avait un ou deux éducateurs qui étaient déjà reconnus, qui avaient passé des formations. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Donc ils nous ont on leur a proposé une journée. J'ai fait une journée de théorie de formation sur la connaissance de l'enfant. Mais que des généralités, parce que je suis pas. Après, j'ai pas parlé du domaine culturel, quoi, hein, qui rend, je le connaissais pas. Mais juste, voilà, la physiologie, la psychologie d'un enfant, je parle du principe, bon, c'est sensiblement la même, il doit y avoir des différences, mais voilà, sans rentrer dans le truc. Et surtout au niveau de l'analytique du sportif, quoi. Comment, à l'époque, c'était. On n'en était pas à ces nouveaux procédés, mais plus concentré sur l'analytique, donc c'est voilà. 15 jours de formation. Ouais, voilà. Okay. Ce qui s'est rendu par quoi? C'était 3 jours. Il y avait 3 jours de formation, 3 jours de formation de premiers soins. Pareil, cherche, tu sais que tu n'as pas besoin de te ménique en vrai, de bombe de froid et de zombie quand tu sais que, pardon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est juste avec de l'eau et du savon, c'est bon, tu désinfectes un truc. D'accord. Et ça, bah, bah, et ça ils ne savaient pas, ils ne savent pas peut-être. Voilà, on a fait une sensibilisation à la MST aussi là, parce que c'était dans le domaine. Et après, on a organisé des tournois, on a organisé un tournoi, ils m'ont remis une calba. J'ai quelques photos, à chaque fois, j'ai plein de... Donc, on voilà. Partagera ça. J'essaierai de te sortir tout ça. Comment ça voilà. J'ai du mal à imaginer une formation à l'étranger, traducteur en portugais, ouais. Je sais pas, facile, difficile, comment tu vis ça? Est-ce qu'il y a des choses culturellement qui te marquent? Est-ce que tu te souviens d'anecdotes? L'anecdote que je me souviens là-bas, elle est pas autour du foot, elle est autour, je me suis retrouvé en naufragé, en plein milieu de la mer, on a dormi sur une île déserte. Pour aller pêcher les pêcheurs. Non, justement, pour rentrer de cette île sur la capitale à Bissau, on s'est retrouvé en galère de bateau. Là, c'était un petit bateau à moteur et le bateau à moteur est tombé en rade, quoi. Donc, on a été obligé. Heureusement qu'on arrive, on est proche du bord, donc on a pied, mais il faut qu'on pousse le bateau et on ne peut pas redémarrer, donc on passe la nuit sur l'île déserte. Ça paraît anecdotique comme ça, ouais. C'est pas une histoire, c'est une vraie. Là. Non, c'est véridique. On a mangé du poisson sur une. Ils nous ont fait sur une plaque d'égout, une grillade, mais sur un truc de poubelle ou je sais pas. C'était, il y avait quoi, deux poissons, c'était marrant. Non, c'est un vrai truc. Et le matin, ils ont été chercher un autre moteur, ils ont mis, ils ont changé, on est rentré. Il y avait une meuf qui travaillait pour l'ONU, elle s'était dégommée. Quoi. Comment ça? Ben parce que tous ces humanitaires. Ils sont soumis à des règlements de sécurité vraiment très stricts, quoi. Et elle devait, je crois qu'elle devait... respecter le cadre. Non, elle devait appeler avec son téléphone satellite, machin, ou elle devait être pile chez elle le dimanche soir, et elle était pas, et même le lundi matin, elle n'était pas au bureau, quoi. Et il y a eu une galère elle s'est bien fait tirer les oreilles, quoi, parce qu'elle n'avait pas prévenu ou qu'est-ce quoi. Donc ouais, non, autour du foot en Guinée-Bissau, ouais, c'est le tournoi. Je crois que moi, ce qui me marque à chaque fois, si, mais ouais, la Guinée-Bissau, Thomas, c'est la première fois, donc c'est mon premier voyage, et au bout de 3 jours, je me retrouve face au président de la fédération de football. Parce que je suis comme ils savent qu'il y a un entraîneur qui vient, parce que le mec qui a géré l'équipe, il a parlé, ils sont plus ou moins régulés. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, donc ils savent qu'il y a un entraîneur qui vient faire ça, il y a ceci, cela, donc bing. Et qu'est-ce que moi je suis content, c'est marrant, ils disent, ah ouais, tiens bien, mais tu comprends vite qu'ils attendent que quand ils comprennent que moi je suis là qu'avec mes mains, je suis là les mains dans les poches, et que pour faire vas-y distribuer le quelque peu de savoir que j'ai et kiffer surtout avec le public que je vais avoir en face, ils m'oublient vite, quoi. Parce qu'ils étaient venus chercher autre chose. Bah ouais, malheureux, tu te rends compte aussi que là aussi ça reste un problème sociétal. Mon point de vue à moi, je le garde, je veux pas rentrer dans des mais je pense savoir ce qui se passe, quoi. Mais parce que ça, je l'ai vécu dans tous les 3 pays d'Afrique que j'ai fait. Guinée-Bissau, le Niger et le Sénégal. Les 3 dans le cadre du foot. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, les deux autres, c'est là, c'est 2007. Justement, 2007, c'est la formation master. J'ai fait une formation j'ai commencé en 2006. Je suis un étudiant, je kiffe, quoi. Apprendre, je kiffe, même si j'apprends de manière bizarre, mais j'aime bien. Donc, en 2006, ça fait longtemps que je n'ai pas étudié. Je me refais un master, j'entends un master justement d'ONG, développement de l'humanitaire. Mais je fais que le master 1 parce que j'ai 35 ans je crois, ou 36 ans, j'ai besoin de payer mon loyer, je peux pas me permettre de partir en stage comme ça à droite, à gauche, je peux plus vivre dans 10 mètres carrés, quoi. Même si je suis pas très matérialiste et compagnie, tu sens qu'avec l'âge t'as envie d'un certain confort et que j'ai pris l'habitude, j'ai pas envie de me prendre la tête à Donc, je fais que le Master 1, mais je me dis, ah, quand même, hein, je vais m'organiser un voyage, quoi. Je vais essayer de me trouver un... C'est comme ça que tu réfléchis. Ouais, ouais. L'utile à l'agréable. Il faut que je m'organise un voyage. C'est bon, ok. Et en gros, c'est comme ça que tu dis. Une fois que j'ai un voyage, ce serait mieux que ce soit dans le foot. Ouais. Et si possible, dans un pays que j'ai jamais fait. Et donc, il faut que j'organise quelque chose. Ouais. Non, c'est. Ouais, c'est même. Et c'est là, c'est là. En fait, c'est la frustration de ne pas faire le Master 2. Parce que je sais que une fois que tu fais le Master 2, il y a les 6 mois de stage. Que là, de la fin de ton deuxième semestre en Master 2, tu pars à l'étranger. Ça aurait pas pu être possible. Ben moi, ONG, dans le cadre du foot, à l'étranger. Non, non, c'est compliqué. Il y a pas. Quoi, ou j'ai peut-être pas. Pour moi, ça a été compliqué. J'ai peut-être pas fait assez de recherches. Mm-hmm. Mais là, avec l'expérience que je te dis, ça aurait été compliqué. Parce que, en fait, l'humanitaire, il cherche des logisticiens, il cherche des éducateurs de sport. Il y en a tout le monde. Il y a des locaux, quoi, qui sont là. Donc, t'as pas. Donc voilà, hein, c'est ça qui se passe aussi, quoi. Donc et moi, ça, j'ai pas cherché midi à 14h. Et justement, j'avais pas les moyens de passer en stage, de faire un stage chinois, à faire des photocopes, à être, tu vois, mais ouais, parce que c'est ça, c'est aujourd'hui à 24, 25 ans, ton premier voyage, tu vas faire ci, il y a maman, il y a papa qui sont là, t'as pas trop de, tu vois, tu peux t'en sortir. Moi, j'ai mon loyer. Non, je crois que j'étais seul à ce moment-là, ou ouais, je crois. Donc, bon, c'est pas. Mais voilà. Le Niger. Ouais, donc le Niger, grâce à mon pote encore. C'est collaboration. Ouais, non, cette fois c'est tout seul. Je pars, je lui dis, ouais, il me dit, ouais, lui, il est toujours, il travaille plus pour, il a changé de. Je sais plus pour quel organisme il travaille. Mais il fait toujours pareil pour les gamins. Il n'est plus dans les hôpitaux, mais il fait autre chose. Et il a une super maison au Niger. Pareil. Donc. Je lui dis, bah vas-y, hein, là je l'ai fait tout seul. Là, je suis parti qu'avec. J'avais l'hébergement. Tu pars pareil pour un mois pour former? Non, là, je pars pour 3 mois. 3 mois, ouais. Et l'idée, c'est. L'idée, c'est de trouver une équipe de foot. Ouais. Comme ça, tu pars les mains dans les poches? Je pars les mains dans les poches. même le billet d'avion, tiens, je vais te raconter une anecdote. Même le billet d'avion, c'est. Je papillonne avec une nana. Ah oui, c'est ce que tu m'as raconté. Et donc je lui dis, je vais partir, nanana. Et la nana, elle me dit, oh bah écoute, moi j'ai plein de smileys parce que. Non, de, tu sais, des points de. Cashback ou de trucs. Ouais, de points d'Air France parce que je voyage et tout. Bah, si tu veux. Je te l'offre. Ouais, c'était 1 500 €, je crois, le billet d'avion, je crois, un truc comme ça. Ça coûtait ça coûtait une bonne blinde. Et même celui-là, je me suis retrouvé, je dis, ah ouais, tu te rembourses ou... Je pars dans le principe de... Par principe. Non, ben non, ça n'a pas besoin, juste la taxe d'habitation, ou là, il y a un truc à payer, quoi. Ça m'a coûté 150 balles, je crois, je vais payer. Tu vois, cette chance, donc ouais, que des trucs. Et là, la condition, c'est que je pars avec une valise de matériel. D'accord. Ballon, chasuble, coupé. Et t'as un logement là-bas? Ouais, je suis chez mon pote et il m'héberge. D'accord. Mon pote, il vit tout seul. C'est une maison de 150 000 mètres carrés, quoi. Il est content que je vienne. Dans une grande ville, à Niamey, ouais, dans la capitale. Ouais. Capitale. Ouais, c'est pas tendu comme c'est tendu. Et là-bas, zéro réseau, rien. Rien. Non, rien. Ouais, j'ai juste repéré que le stade où il est par rapport à la maison d'où. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas internet comme ça là-bas. Enfin, non, il avait un petit peu, mais c'était tendu, quoi. D'accord. Moi, de chez moi, avant de partir, j'ai dit, bon, la maison est là. Il n'y avait pas les iPhones et tout, comme ça. Non, ça a commencé, voilà, 2006, ouais. Hein, voilà, Thomas, ouais. Pense 2007, en 2007. Ah, c'est ça, c'est pas le même voyage. Donc voilà, je suis parti, en espérant que je ne me fasse pas dépouiller à la douane, le matériel, quoi. Mais pas de crainte, pas d'a priori? Non, je sais pas, je suis un pyrole naïf, j'ai eu... Toi, tu décides, tu pars. Ouais, je pleure à l'aéroport. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais en partant, parce que je suis plein d'émotions. Mais c'est tout. Mais sinon, non, j'ai pas de trip, j'ai pas de. Pas d'appréhension, pas de crainte. Non, je crois pas. Non, j'ai pas de. Ouais, non. Je les ai après sur place, peut-être. Je me prends un peu la tête par moment sur place. Mais non, là, moi, je suis comme un ouf, quoi. Et donc, ouais, voilà, c'est parti. Puis ben, là, j'y vais, premier jour. Deuxième jour, je vais faire mon petit footing, je repère. Troisième jour, je prends mon ballon et je fais un petit entraînement, mais en solitaire, quoi. Je m'amuse tout seul avec. C'est marrant, attends, excuse-moi de te couper d'avis. Moi, je trouve ça marrant. Premier jour, tu arrives, tu repères un peu. Deuxième jour, un footing pour repérer les lieux. Donc, encore une fois, l'utile à l'agréable. Ouais, C'est marrant parce que j'ai tendance à faire ça. Dès que j'arrive quelque part, je me dis, j'ai envie de courir, j'ai envie de découvrir. Tant qu'à faire en courant, je vais peut-être découvrir plus de. Un plus grand périmètre, et puis j'en profite pour ouais, bah, tu sais, les premiers, les locaux, les lieux où tu vas ouais, les repères, comment tu te déplaces, à droite, à gauche, où est l'arrêt de bus, peut-être s'il y a une école, s'il y a un foot, si un terrain de foot, si éventuellement un terrain de sport, ou voir un peu la température. Soit comme ça que tu procèdes. Mais sans, c'est pas. Voilà, c'est comme ça, quoi, je fais ça. C'est dans Et l'action. après, ben, au bout de la fin de la semaine. Non, t'as dit troisième jour, tu pars Ouais, avec un troisième jour, ballon. ouais, c'est ça. Troisième jour, je suis avec un ballon, je m'amuse tout seul. Et Mais tu là, dis quoi, on il y a arrive à quelqu'un la qui fin de va la semaine. s'accrocher à Ouais, en toi me disant ou... ça, Ouais, en me tu vas disant peut-être ça. rencontrer quelqu'un. Ouais, ça, je me le dis. Mais ça arrive pas forcément. Non, ça arrive pas. Quoi, ça arrive, mais ça arrive ou la semaine d'après. D'accord. Parce que à la fin de la semaine, j'ai plein d'enfants qui sont autour de moi. À la fin de la Ouais, semaine? Parce que tu revenais sur le terrain j'ai fait régulièrement? bah, tous les jours et j'y allais. Une fois, premier, deux, troisième jour. Je me suis acheté ma carte, j'ai réglé les trucs administratifs, j'ai mon téléphone, j'ai une puce, j'ai mon pote, je sais où il est, son siège social, il m'a D'accord. briefé sur les conditions de Mais tout ça sécurité. facile. Oui, c'est pépère, c'est. Les Bon, conditions de sécurité? ouais, il y a toujours des soumis. Il est dans les. Ce que je te disais tout à l'heure, dans toutes les ONG dans lesquelles il a travaillé, il est soumis à des comptes. Il ne peut pas faire grand ce qu'il veut. Sur c'est des D'accord. pays qui sont chauds. On était tranquille, quoi. Mais voilà, j'avais pas là, je ne pouvais pas faire ce que je ne pouvais pas sortir. D'accord. Hein, d'ailleurs, à Niger, je ne l'ai pas écouté une fois, je me suis fait défoncer. Ouais. Ah oui? À Niamey? À Niamey, ouais. Durant Donc, cette expérience. durant cette expérience, ouais. Ok. Donc, bref. Bah, tu Donc, veux en parler ou... oui, facile. Mais. D'accord. Ça viendra après. Ouais. Donc, ouais, l'expérience à Niamey, c'est ça, C'est en français? Non? ouais, c'est en français, ouais, c'est D'accord. francophone. Et donc, fin de la première semaine, j'ai que des enfants des rues qui viennent jouer. Et ça, j'ai vite compris, les enfants des rues, c'est quoi? C'est les enfants qui sont envoyés par les tchèques, les patrons d'associations communautaires qui les envoient mendier, quoi. Donc ça c'est bon, c'est un problématique, mais c'est eux qui viennent, ils ont une petite gamelle, c'est eux qui viennent, donc on joue avec eux et c'est tous contre moi, voilà, mais ça dure un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, quoi, après je rentre. Et bah, deuxième semaine, là il y a un mec qui m'accroche. En En français. français, il me dit, voilà, moi j'ai ça, je C'est quoi, il suis. t'a vu, il t'a croisé, Ouais, il vous... a compris qu'il y avait un. Parce que j'ai dû parler. Ils parlent beaucoup, les vieux Et les noirs, ils enfants parlent. peut-être, ou Non, pas pas du tout? les enfants, ils parlent pas. Les enfants, ils sont D'accord. à l'écoute, ils ont peur de l'adulte, les enfants. Ils parlent pas. Mais c'est les vieux qui te parlent. Ils viennent, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Ils viennent, je te vois. Et là, ils ont jamais vu un blond jouer avec des enfants. Donc voilà, et c'est là que je leur dis, tac, tac, tac, je suis un Tu entraîneur, je revenais à suis. chaque fois sur le même terrain. D'accord, ok. Je suis éducateur, je suis ceci, je suis cela. Et il m'a dit, ouais, tiens, il y a le monsieur là, il est président d'un club, si tu veux, va le voir. Donc je suis allé le voir et le mec, il me propose d'entraîner son équipe senior et qui va commencer le championnat de deuxième division. Une division nationale? Ouais, mais il n'y a que deux divisions. D'accord, ok. Mais il propose l'équipe senior dès Il le me début. propose avec le Le contrat et feeling passe tout. bien? Un contre? Un contrat et tout, machin. Mon pote, je le rends, je lui dis, ouais, il y a un mec qui me ça, 150 000 francs CFA par mois. Nanana. Mon pote, il me laisse parler, mais il fout ta gueule, jamais tu. Il va dit, mais non, mais t'es fou, tu vas jamais les avoir. Bon, enfin bref, donc moi je m'en fous, je suis pas là pour l'oseille. Je dis, écoute, vas-y, on verra bien. Il me paye, ouais, je m'en tape, je suis là 3 mois, mon billet. Je D'accord. rentre, il va pas, j'ai mon budget pour 3 mois, c'est pas grave. Toi, Donc, l'objectif, c'était de vivre l'aventure. ouais, bah oui, c'est parti, quoi. Donc, je commence, bah, je fais la préparation physique, j'ai un groupe de d'une petite vingtaine de jeunes adultes, quoi. Comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe tranquillement, ils sont à l'entraînement, moi je fais mon entraînement. Mais la première approche, enfin le... Tranquille, ils sont à l'écoute. Ils écoutent, machin. La première approche, c'est le rapport au retard. Donc. T'es présenté par le président? Ouais. Après, ils avaient déjà des créneaux d'entraînement aussi en fin de journée. Et c'est les terrains, il fallait les c'était à l'arrache, il fallait aller, je le savais, peut-être. Tu t'en doutais? À droite, à gauche. Il y a un peu de matériel? Non, le matériel, c'est le mien. D'accord. Après, on t'a donné rendez-vous à un créneau, les joueurs vont arriver. Ouais, l'équipe était déjà constituée? Le groupe il était déjà constitué. Ouais, c'est ça, le groupe était constitué. Le groupe est constitué, il y avait un mec qui s'en est occupé. Non, je crois que c'est mes ballons, il y avait tout, il y avait mes ballons. Peut-être qu'ils avaient un peu de matériel, je ne me souviens plus. Ok. Mais. Et toi, tu prends la place de ce monsieur et tu deviens coach entraîneur. Ouais, mais lui, c'est pas un coach, donc il n'est pas aigré, quoi. C'est le mec qui était le dirigeant et il leur donnait un ballon et fait des trucs, quoi. Et là, ils ont peut-être cette opportunité de pouvoir s'inscrire en championnat parce qu'il y a un coach blanc qui vient d'arriver. Le président, que j'ai pas vite compris, on m'a prévenu. Tous les échos que j'ai eu, c'est j'ai eu des échos négatifs sur ce monsieur-là. Donc. Au bout de 15 jours, je savais que ça allait être chaud, j'allais pas être payé. Et le président? Ouais, d'accord. J'ai différents échos. Bref, donc, ça, c'est ce qui s'est avéré, c'est ça, c'est qu'il m'a pas payé. Au bout du premier mois, il m'a pas payé. Il m'a fait même des matchs amicaux. Bref, des trucs de logistique qui étaient assez marrants. Tu peux en parler, hein, si tu as des anecdotes. Non, mais c'est pour pas que ça soit trop long, en fait. Mais les anecdotes, c'est quoi? C'est ça, l'anecdote, c'est match amical en déplacement. Ouais, on a 80 bornes à faire. Ok, toute l'équipe, ça marche. Je lui dis, mais il faut un quart. Il me dit, ouais, t'inquiète, on a le quart de la gendarmerie. Il y a 25, on est 20, il y a 25 places dans le quart et tout. Je lui dis, écoute, moi, je monte pas. Si c'est un quart à 10 places et qu'on est 25, je ne monte pas. Dans le cas, il y a assez loin. Et je lui dis, je ne suis pas là pour mourir. Je veux bien faire du foot, mais je ne prends pas. Non, David, t'inquiète pas, coach. C'est un quart à 8, 10 places et demi. Vous rentrez à 25 dedans. Ils sont, mais moi, je ne suis pas rentré. Je ne suis pas allé. Non. Je ne monte pas, je dis, t'as vu, je t'ai prévenu. Ça me dérange, tu vois, c'était dommage, mais je peux pas, je vais pas, j'en faisais assez, quoi, tu vois. Du coup, comment vous les avez joués, les matchs à le déplacement? Non, ça s'est arrêté vite fait, j'ai fait un mois d'entraînement, j'ai fait 6 semaines et j'ai arrêté. Parce que j'ai compris que c'était un escroc, j'avais que des mauvais échos, j'arrivais pas à faire les licences, il fallait faire les licences aussi, pareil. Et que des trucs, tu te rends compte que là, c'est les jeunes, ils veulent que venir avec toi, mais ils veulent que tu les emmènes en Europe. ils pensent que le blanc, c'est compliqué, quoi, que j'étais plein d'oseille, plein de ceci. Ils n'ont pas compris que j'étais le même niveau qu'eux, que je sortais du peuple. C'est ça la force aussi de ces voyages. C'est que moi, toi, je suis parti, j'étais un smicard, quoi. j'ai eu la chance de vivre, de grandir en France, mais si tu veux, c'était et d'avoir toujours des petites chances à droite et à gauche, mais je sais pas, c'est que moi, quoi. C'est que y a personne qui m'a poussé, parce que personne ne te répond de toute manière. J'ai tenté, la Fédé, les districts, SOS Sport International à l'époque, jamais personne ne te répond. Bah ouais, t'es qui? T'es Wello. Un mois et demi, tu retiens quoi de cette expérience? Un mois et demi, tac, bon, kiff, j'ai préparé les gamins, j'ai fait des entraînements avec des bouts de bois, des chambres à air comme cerceaux, dans des sables, les mômes. J'ai vu les pauvres petites, les pieds des joueurs à la fin de la semaine, plein de, parce qu'ils s'entraînaient pieds nus dans du sable. Mes premiers entraînements avec un coin, il y a les mamans qui sont là, il y a des vaches là-bas, toi tu fais ton parcours ici dans le sable, que des trucs de ouf. C'est dommage que les gens qui vont écouter ne voient pas tous les mouvements. Comment tu vis le truc? Tu rentres dans le noir avec ton vélo, tu vois rien, tu sais pas ce qui se passe. Que les chauffeurs de taxi, putain, au Niger. Le seul blanc qui prend le taxi. Je monte le premier dans le taxi, mais il me descend le dernier. Heureusement que j'avais une heure d'avance à mon créneau d'entraînement. Que des fans comme ça. Tu kiffes, tu vois un chauffeur de taxi qui dit, ah, ça y est, il va me déposer. Non, le mec il s'arrête, il tire le frein à main. Tu veux une clope, tu veux un café, il s'arrête, il boit un café, il parle avec son le commerçant et toi t'es là. Sketch. c'est que des trucs comme ça. C'est, donc, ouais. Donc, j'ai fait un mois et demi. Et après, j'ai rencontré un Touareg. D'accord. Qui était éducateur, qui kiffait la formation à la française, qui est arrivé d'Auxerre. Je me rappelle plus de son prénom. Au Niger. Hein. Ouais, au Niger. Ouais, ouais. Comment tu prends contact avec lui? Parce qu'il est dans le sérail du district de la fédération. D'accord. Donc, une fois que je suis parti un petit peu de ce club, là, j'ai été voir, je me suis tourné un peu vers la fédération. Donc là, c'est toujours aussi facile d'avoir l'étude. Tu as un coach, tu parles avec le directeur technique et il m'a aiguillé vers ce monsieur-là. Quoi. Et comme ce monsieur-là, il avait de la formation à la française, il sortait d'Auxerre, de Laval et tout, il kiffait. Toujours à Niamey. Sauf que là. Grâce au contact de la fédération, ouais, t'as pu être mis en lien. Tac. Et lui, le mec, il est responsable des U15 ou des U17 nationaux. Mais il souffre grave parce que il y a la lutte fratricide entre les Noirs et les Noirs et la peau noire et les Arabes, quoi. Les Touaregs, ils sont métis, ils sont un peu mal, c'est un peu compliqué. Donc là, il y a un peu une guéguerre. Donc le mec, il n'est pas calculé. Mmh. Mais premier échange, tac, ça se passe super bien. Je participe à des entraînements de sa sélection parce qu'il était. Il était dans le coin actuellement, donc il avait des sélections et tout. Et il me dit, ça te dit de faire un tour, on va faire un tour de formation. Moi j'ai mon club dans le nord du Niger. On va former des éducateurs. Ouais, il y a mon club, viens, on va leur faire un petit stage de formation et tout. Tu vas voir comment ça s'entraîne. Peut-être qu'il y a la possibilité. Moi, je suis bien avec le sultan du. Comment ça s'appelait la ville? Elle est super connue, là, dans le Nord. Maintenant, c'est un fief de rebelles et compagnie, mais. Je peux pas t'aider. Je suis désolé. Je peux regarder sur le téléphone. Non, mais c'est pas grave. C'est, Vas-y, continue, je vais trouver. Et donc, c'était. Je lui dis, vas-y, hein, je t'écoute, on est parti, quoi. Et me voilà, le blanc qui prend le car, 1500 km à traverser. Pour aller au nord du pays. Pour aller dans le nord du pays, Agadez. Agadez, ouais. C'est ça? Ouais. C'était la ville que je cherchais? Je crois, ouais. Bon, en tout cas... Et Agadez, sinon il y a une autre ville. Arlit. Non. Arlit. Arlit? Ouais, c'est ça, d'accord. Arlit. Ouais. Merci Google Maps. Tac, donc voilà, il est parti 15 heures de car. Il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de climatisation. Bref, il faut te fier à la culture, quoi. C'est ça, c'est le voyage, mais t'es là, quoi. Et t'es le seul blanc et tu rechignes un peu. J'ai l'impression juste de me rechigner un petit peu, mais je me fais cramer. Donc ils savent que. Non, c'était plus au retour que j'ai fait mon spetter, en vrai. À l'aller, j'étais tranquille. Mais ça te forge ces voyages. Ben ouais, c'est tu fais des trucs. De toute manière, en vrai, c'est ouais. Je t'ai coupé un peu. Ouais, mais... Donc on en est les voyages et là je me retrouve à Arlit et je fais pareil, football pendant une semaine, je dors dans une maison à la Belle Étoile, dans la maison du sultan, qu'avec des gens du cru et moi je suis là, je suis tout seul. Comment tu vis ça? Ouais, écoute, vas-y, tu t'adaptes. Ouais, tranquille, je dors. Il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de. Non, je me rappelle plus, mais je pense pas, non, j'ai pas de mauvais souvenirs. T'es à l'aise, ça se passe bien? À l'aise, ouais, c'est tranquille. Moi, je suis un personnage discret, d'un autre côté. D'accord. Là, je me mets. Il me faut du temps pour prendre. Donc, je vais t'écouter, je vais observer. Si on parle, je vais parler. Je vais essayer, voilà quoi, je me fie, je rentre dans le truc. Et pareil, je me retrouve dans une à dormir aussi. Après, j'ai déménagé, on m'a mis dans quoi, il y avait juste à côté du stade, là, du club où il y avait la connaissance, c'était une structure d'Arena. D'Areva, pardon. D'accord. Ouais, tu sais, les trucs. Dans le nord du pays, au niveau. Ouais, c'est ça, les Français, quoi. Ouais. Le nucléaire, les machins et tout. Ouais. Putain, j'arrive donc. J'arrive vers 22h30, l'OS termine à 11h. faut tout couper. J'allume l'oreille, j'arrive. Ah, c'est bon, on doit 11h moins le quart, moins 10. Je dis, c'est bon, j'ouvre le robinet. Putain de. Inondation. Non, non. Et invasion de cafards qui sort de partout, de la douille de moi. Je rebondis pas. Le lendemain, non, le surlendemain, tu te réveilles au petit déjeuner, tu commences à voir qu'est-ce qui se passe. T'entends quoi? Ah bon, on s'est fait braquer. Il y avait des travailleurs avec moi qui travaillaient pour Arama, ils se sont fait braquer, ils se sont fait voler les voitures, les talkie-walkies dans les chambres et tous les mecs qui sont rentrés. Pas toi, non? Non, moi, ils m'ont laissé pas tranquille. Pas les cafards et tout, ouais. Moi, j'ai eu les cafards, ça suffisait. Donc, ouais, voilà, une expérience comme ça, c'est... Mais c'est quoi l'impact de ce type d'expérience sur toi? Alors, l'impact, c'est que bah, quand tu rentres du Niger, tu te dis, oh, attends, moi, l'humanitaire, je peux le faire dans mon quartier. En vrai. Sous une autre forme. La connaissance. J'ai l'impression de vraiment de savoir, d'avoir cette connaissance du terrain, de la culture, un petit peu, parce que c'est tellement vaste que la culture africaine que voilà, je vais pas tout, mais j'ai vécu, je sais ce que je sais. Là je fais mon mariole avec les petits collégiens de Montreuil. Et combien de Sénégalais? Je fais pas attention. Mais il y a combien d'origines de Sénégalais? Mais tu te rends compte qu'ils connaissent même pas, parce que mon dernier voyage au Sénégal, avant il y a eu les États-Unis aussi, mais on va en parler des États-Unis. Voilà, pas besoin d'aller si loin pour faire l'humanitaire. Ouais. Ça m'intéresse parce que c'est marrant, je me suis fait cette réflexion il n'y a pas longtemps. C'est du social. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire dans les clubs, dans nos banlieues, là, avec les clubs de foot? Qu'est-ce qu'on devrait faire dans le football de demain? Là aussi, j'ai pas assez de force. C'est que moi avec moi-même. Si tu veux, j'aimerais rencontrer des personnes avec lesquelles on puisse échanger, avec lesquelles j'aimerais écrire déjà dans un premier temps tout ce que je ressens à ce niveau-là. On essaye. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? On est quoi? On vit dans quel monde? C'est un monde d'hypocrisie. Alors c'est un monde d'hypocrite. Alors que tout a changé. Je te parlais du monde du changement par rapport à l'association, à l'associatif. On se le garde pour la fin alors. Donc pas besoin d'aller si loin pour. Donc je me dis ça, ouais. Donc et comment je fais ça? Je m'implique dans les élections municipales. Quand tu rentres en France? Ouais, on est en 2008 là. Et j'ai fait 2007, c'est 2007 moi au Niger et 2008, je crois que c'est donc, ça. Donc tu rentres avec un autre regard sur la France et une autre façon de t'engager, tu veux t'engager? Non, pas un regard sur la France. La France, mon regard, c'est une continuité chez moi. Et je crois que même malheureusement, je sais tous les côtés positifs et je sais tous les côtés négatifs de la France. Autant mais tu veux t'engager. Je suis fier français, je suis fier d'avoir grandi ici plutôt qu'aux États-Unis, ou voir si j'aurais pu aller en Israël. Mais je suis vraiment content d'avoir grandi ici, quoi. Alors après d'être français, même si je considère comme un citoyen du monde, même si aujourd'hui je suis contre tout ce communautarisme, je me dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est un retour vers soi-même alors qu'on doit être vers les bref, mais mais si tu veux par rapport à ta question, ouais non, qu'est-ce qu'il y a, la France, l'histoire, nanani. Mais tu rentres, tu peux t'engager. Je me dis, ouais, ça peut se faire, vas-y, on peut le faire ici, on va pouvoir faire des trucs, si on peut faire du social et du... Donc j'essaye de voir au niveau politique, il y a des élections municipales, je m'implique un peu, je leur fais faire du... Je suis inscrit sur une liste de citoyens, un mec qui est super intéressant, qui est sur Robinville depuis pas mal de temps, mais voilà, moi que je kiffe. Et je lui fais faire du foot, on s'appelle, c'est citoyen, et nous on fait du foot citoyen. Donc je lui fais faire des matchs de foot dans les quartiers, on parle un peu en échange, voilà, truc, tu vois, bateau. Bon, on n'est pas au deuxième tour, mais on est à 9,60, et là je me rends compte que bah, tout de suite les appareils, les gros réseaux, les gros partis d'État, ils cherchent à te récupérer, ça devient le Parti communiste national qui doit décider, le Parti socialiste au niveau national qui doit décider. Bah tiens, David, tu veux te mettre ici, toi tu veux te mettre ici, par là. Pour moi, c'est, je me retire de là, c'est trop, j'ai plus le sang, quoi. Donc, voilà, et par contre, bah voilà, ça passe par des petites actions sur le terrain. Bah, ça, on a commencé par ça. Après, j'ai fait une ou deux actions dans les collèges en 2008 sur Romainville. Et au fur et à mesure, après, bon, bah, ma vie fait que j'ai voyagé, j'ai continué ma vie, quoi. Et si justement je te parlais des États-Unis, on en a parlé en off. Bon, je le dis pour ceux qui écoutent, on en a parlé en off. Moi, ça m'intéresse. Comment, pourquoi déjà? Parce qu'on n'est pas du tout dans la culture africaine. Non. Et bah, cette fois-ci, comment ça s'organise? Et puis, ouais. Et ben, en vrai, ça s'est organisé super simplement. On est en 2010, non, 2011, j'ai fait 7 années de chauffeur taxi et je suis au bord de Ouais, c'est chaudard pour moi, quoi. Je suis psychologiquement, je suis abattu, pourquoi j'arrive pas à faire ce métier? C'est ça qui me saoule, quoi, tu vois, alors que j'avais toutes les conditions en normes. Mon père est chauffeur de taxi, je récupère sa licence, donc je dois leur payer une semaine, ils sont en chaud, ras des pâquerettes par rapport à ce qu'un chauffeur débutant il doit payer en location. Et c'est mes parents, ça veut dire si une semaine je leur dis j'ai pas, ils vont pas me manger. J'ai une Toyota Prius entre les mains. La voiture, c'est là, qu'on est tout seul, tranquille. Mais j'y arrive pas. Le canon, ça marche pas. Je me vends. Donc au bout d'un an, je rends les clés à mon père, ça se passe, c'est un peu chaudard, il est vexé, quoi, machin, j'ai pas. Bon. Et puis, mais là, dans ce, je pars et là, je me suis dit, je vais faire un voyage. Une fois que j'ai rendu les clés, j'ai réglé les trucs, ouais, je vais voyager, je vais me sortir la tête. Je suis tout seul, on est en plein. Ouais, Vaujour, là. Je crois que je suis. Quand je fais taxi, j'ai Vaujour. Hein. Ouais, c'est Vaujour quand je fais taxi. Il y a cette équipe senior de Vaujour, c'est pas génial, machin. Bref, donc allez, ça roule. Et putain, le seul truc, c'est dans le taxi, il y a un mec qui m'a parlé du foot parce que le truc positif dans cette histoire de taxi, c'était la relation client. Avec ça, c'est super bien passé. Mais c'est normal, ils n'avaient jamais vu un chauffeur de taxi qui était dans l'autodérision et qui était capable de leur faire une remise de 100% à la fin de la course. Donc. Bref, et j'ai remise de 100%, c'est-à-dire que tu offres la course. D'accord. Donc finalement, ouais, faut partir. Ouais, donc voilà. Et je me souviens, je me dis, bon, et j'ai les États-Unis. Je vais commencer par cette question-là. Pourquoi les États-Unis? Parce que c'est l'Amérique. On a quand même grandi dans le Walloon et du Coca-Cola et on est des. Ouais! Que t'aimes pas aujourd'hui, quoi. Tu vois, on est. Et j'avais plein de préjugés, moi, mon voyage. Quoi, plein de préjugés. Si, vas-y, ouais, du style. Du style, c'est des bourrins, c'est des cow-boys, ils ont que des guns sur la tête, ils sont. Voilà, quoi. C'est. Tout, c'est la... Moi, je suis un communiste. Donc pour moi, l'Amérique, c'est chacun libéral, c'est n'importe nawak et chacun tout. Ouais, voilà, c'est. Il y a plein de choses, tu vois. Et bref. Et j'ai ce client, et je me rappelle ce client-là qui m'a parlé du foot et il m'a dit, ouais, il y a une société anglaise qui recrute des entraîneurs et qui les envoie aux États-Unis. Ouais. UK. Voilà. UK International Soccer Camp. Voilà. Et là, pour une fois, j'arrive, c'est que des trucs. Tu parles anglais? Ouais, je crois, ouais. D'accord, okay. Bon, excuse-moi. Non, ouais. Je pense que je parle anglais. Ouais, je pense que je parle anglais, en manière. Puisque je suis parti, Faut le dire parce que y en a, enfin, ceux qui écoutent, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais c'est pas l'idée. Mais il y a pas mal de francophones. Il y a un peu des francophones aussi parce que le Québec, là où j'ai passé un peu de temps... Et il y a aussi, ben, dans ce que je, les échanges que j'ai avec les éducateurs autour de moi, c'est il y a la barrière de la langue. Il y en a autour de moi qui aimeraient un petit peu voyager, aller gratter un petit peu à gauche, à droite, à gauche. Et puis, il y a la barrière de la langue. Mais là, on est bien conscient, t'es pas bilingue. Non, je suis pas. Ça te fait pas peur et tu veux quand même le tenter. Ouais, ça me fait pas peur parce que je m'en rends pas compte, Thomas. Je réfléchis pas, moi, je pense pas. C'est ça mon problème, c'est que je suis sur le... Je suis pire aussi. Je sais pas si c'est un problème. Non, ouais. C'est le problème de certains, c'est peut-être des fois de trop réfléchir, ouais, à des idées, voilà, puis ouais, je le ferai. Je pense, I know to speak in English, ouais, oh, ok, ça, on peut le faire. Et je, mais en plus, je suis, par rapport à ça, je me retrouve à partir à Londres. Parce que donc ça, c'est fin janvier. Donc j'ai rendu les clés en décembre 2011, voilà, vers la mi-janvier j'ai trouvé Qkey, j'ai rempli le machin en anglais, la candidature en anglais, ils m'ont donné des dates de présélection, d'entretien, mais c'est à Londres. Okay, faut aller à Londres, faut aller à Londres. Et genre le dernier entretien il me reste une semaine, quoi. Tu vois, j'ai reçu j'ai l'accord, il faut que je me décide dans une semaine ou pas si j'y vais. À Londres. Ouais. Et pour un entretien d'une heure, genre. Ouais. Non, d'une journée. Non, c'était une journée, je crois. Faut passer bien sur le terrain. Non, ouais, ils nous ont fait. Ouais, si, ils ont fait un peu la. Un ouais, passage. Une journée. Ouais, une demi, une journée. C'est ça, oui. Donc, t'as une semaine pour décider. Voilà, je suis tac, j'ai 3 jours. Et le prix des trucs, moi, là, je suis pareil. C'est, je suis au jour le jour. Et ça, là, je suis en. Déjà, je demande pas, mais il n'y a personne là, il n'y a personne autour de moi qui peut dire, bah, tiens, t'as besoin de ça, David, prends et tu me les rendras après. Donc là, je suis obligé, et je trouve quoi ? En car. Je pars en car le vendredi soir. De Paris. De Paris, à Porte de Bagnolet, pour me retrouver à Londres à 6h du matin, et j'aurai été à 9h dans un coin de je sais pas d'où. Tu parles vite pour le lendemain ? Ouais, bah oui. J'ai pas le choix. Je vais pas me payer une nuit d'hôtel, j'ai pas les moyens, j'ai rien. Le seul truc, c'est de faire l'aller-retour. Et le moins cher, c'est 200 €. Ça m'a coûté 200 €, quoi, l'aller-retour. Avec la journée Ouais, bah oui. Je dois avoir le foot le dimanche. Non, je crois que j'ai pas d'équipe. Non, j'ai pas d'équipe à ce moment-là, je crois. Non. Bref. Bon, faut pas payer la nuit. Ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas de sous. Donc, je pars le vendredi soir, j'arrive, pareil, bah, avec je m'ai fait mon plan, il est 6h du matin, bah, je prends mon métro pour aller au rendez-vous dans cette... Bah, c'était une zone de five, en fait, une espèce de zone industrielle. Et d'accord. Tout. Et là, c'est parti, bah, entretien en anglais, tac, tac. Et ça va. Et ça se passe, quoi. Après, sur le terrain, bah, là, 16 francs, moi, je suis dans l'animation direct, donc... Ça se passe bien. Ça se passe bien, mais attention, tu cries trop, les Américains, ils sont peut-être, il faut peut-être être un peu moins un peu moins criant dans ton animation et tout, plus bon, OK, ça marche. Et ben après tout février jusqu'au mois de, je leur dis ouais, ben, je peux partir début du mois de juillet. Et c'est validé là l'entrée. Ouais, durant la journée, t'as la réponse. Ouais. Ouais, ouais, non, peut-être un ou deux jours après, quoi, 3 jours. Quand tu rentres en France. Mais tu savais, j'ai vite compris. C'est des colonies de vacances. D'accord. Donc, celui qui s'intéresse au foot, machin et tout, là, c'est. Ouais, voilà. Tu te rends compte que j'ai 42 ans quand je fais ça. Et d'accord. Ils prennent des 20 ans. D'accord. J'ai passé. Ça aussi, c'est une force, quoi. C'est que j'ai. je me retrouve là-dedans. Et moi, je pars pour dépolluer aussi un peu du racisme ambiant qui commence à être là, qui commence insupportable. Et je me retrouve qu'avec des gens qui parlent du français, du nanani, de... Oh. Bref, ça, c'est aussi autre chose, quoi. Ça aussi, ça me fait relativiser quand t'es en France. Et tu te dis, ouais, bon, il y a pire chez nous, quand même. Il y a pire ailleurs, quoi. Donc, ouais, je me retrouve, c'est bon, c'est réglé. Et après, il y a toute la partie administrative. C'est-à-dire qu'il faut payer le billet d'avion, il faut le visa, il faut aller chercher, passer au consulat d'Amérique, là où des États-Unis sur les Champs-Élysées. Tu n'es pas sûr. S'ils vont te donner, il faut croire que tu n'es pas sûr d'avoir le visa. Ouais. Mais bon. Pour 3 mois ? Ouais. D'accord. Ouais, c'était 4 mois, je crois. Novembre. Et puis voilà, je suis parti, quoi. 4 juillet, j'ai fait un arrêt à San Francisco. C'était dans l'ouest des États-Unis. Arrêt à San Francisco. Je suis resté, j'ai fait une journée de plus, là je suis arrivé genre pour m'adapter par rapport au rendez-vous. Voilà, c'était le 4 juillet, donc j'ai vécu le feu d'artifice, San Francisco toujours, bah, pareil, voilà, première soirée là-bas, bah, je me promène dans la rue, je marche, contact. Et ensuite, le lendemain, on avait rendez-vous à l'aéroport, et là on est parti 3 jours dans une université à Tampa Bay, un truc comme ça je crois. Ça me dit quelque chose. Ouais, je crois que c'est, je sais plus exactement où c'est le nom. Et puis c'est là qu'il t'explique quoi. C'est parti la formation, comment tu dois te comporter, comment ça va se passer, la première partie des 2 premiers mois. 3 jours de formation. Ouais, en gros 3-4 jours quoi. Et là l'anglais. Pardon. Et là, à la fin des 3 jours, je vais le voir. Je dis, je crois que je vais rentrer. Sérieux. Ouais. Okay. Je comprends. C'est pas. Je me dis, je vais pas m'en sortir. Et puis c'est pas sérieux. D'accord. Je peux pas pour être, toi, pour le public. Et ouais, pour le public que je vais avoir, pour voilà quoi, c'est pas, je me dis c'est pas pour, j'y arriverai pas quoi. Donc je pourrais, voilà. Et là tu bah, ouais non, mais non David, tu regardes, on arrive à se comprendre et tout, ça va le faire, tu vas réussir. Et ouais, ils savent qu'ils sont en chien d'éducateur, ça avec le recul, tu comprends que voilà quoi, c'est une fois que tu es là, tu l'as, tu vas pas lâcher l'affaire. Et puis c'est vrai en vrai. Même moi avec le recul, je n'allais pas, pourquoi j'allais me priver de cette expérience, parce que j'ai un peu paniqué. 2 jours. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, et puis c'est parti, quoi, c'est marre, et je me suis retrouvé, pris dans le truc. Il y a là, 3 mois de foot, c'est moi qui conduis, c'est moi, quand c'était moi le plus vieux, la première séance et première semaine, donc on était hébergés dans des différentes maisons et on bougeait de ville en ville chaque tous les 15 jours, toutes les semaines. Et c'est moi le plus vieux et je me retrouve à conduire. Parce que t'es le seul à avoir le permis ou... Ouais, je crois que c'était ça surtout. Mm-hmm. Il n'y en avait pas beaucoup qui avaient le permis. Et moi j'avais ouais des. Parce que c'était colocation, ouais, c'était, et vous partiez ouais, tous c'était, ensemble. Ouais, c'était toute l'entreprise, ça avait ta carte bleue, c'était tout était réglé, quoi, tu vois, tout était. T'avais une carte bleue, tu devais passer ça sur essence et héberger chez les gens, quoi. Et là, première, je te raconte juste cette anecdote qui n'est pas première soirée, je me retrouve avec, bon, j'ai commencé un peu à parler, j'ai compris que c'était chaud avec l'anglais, mais je me suis dit, vas-y, on y va, quoi. Donc, les 2 jeunes qui sont avec moi, ils sont sympas et tout. Non, on se retrouve dans une famille où là, il y a 5 chats et 1 chien. D'accord. Et moi, je ne supporte pas. Ni les chats, ni les chiens. Quoi. Les chiens, ça va, mais les chats, je peux pas les voir. C'est des connaissances de tes collègues ou c'est... Non, non, c'est comme ça. La compagnie, qui, soit c'est des gens qui veulent bien t'héberger. Soit ils touchent un peu de thunes, la compagnie les paye un peu. D'accord. Ils font ça parce qu'ils s'intéressent au foot, au club, au cœur de leur ville. Donc ils prennent en charge. Et ouais, donc là. Au bout du 2e jour, la dame elle vient voir, elle me dit, David, vous aimez pas trop les animaux. Pourquoi vous me dites ça? Mais parce que les chats, vous êtes assis, ils sont devant vous. Et vous, je dis, ouais, c'est vrai, je suis pas trop... pas trop bête. Ouais. Pas trop bête. Mais bon, voilà, je me suis retrouvé avec ça. Et la deuxième anecdote, si c'est la deuxième maison... Du coup, t'es resté chez eux? Ouais, toute la semaine, ouais, bah, je prends mon... Hey, tu sais, je n'ai pas le choix, je vais pas... Moi, je vais pas chipoter, tu vois. Donc, on y va, quoi. Et là, c'était des centres de loisirs. Les premiers mois, c'était aux États-Unis, les 2 premiers mois, c'était des centres de loisirs, quoi. C'était genre des stages. Mais tu te rends compte que les gamins, ils font du foot comme nous, on allait au centre de loisirs. C'est-à-dire, ils n'ont rien à faire, c'est pas des fouteux, le terrain était tout pourri. Bref, c'était un peu rognognon. Et les 2 mois d'après, là, t'entraînais, tu devenais assistant coach. Et alors là, le truc est très intéressant, et là, ça va peut-être te plaire. C'est complètement différent de ce qu'on vit en France. Là, j'ai atterri donc les 2 mois dans une ville qui s'appelle Foster City, qui était à 40 minutes. C'est la banlieue de San Francisco, quoi, à 40 km. Et là, donc, tous les gamins sont réunis, enfin, tous ceux qui veulent faire du soccer, du foot, ils sont réunis par tranche d'âge, 2006, 2007, 2008. Hein. Donc, tu as U10, U15, U11, U12, U7, U6, les filles, les machins. Sur le même terrain. Ça, c'est la prise d'inscription. Juin 2019, on va dire, pour septembre 2000. Tous les parents, hop, ils s'inscrivent. On a autant de... On a 50 U10, on va faire 5 groupes de 10 U10. Qui est-ce qui veut s'occuper? Ah, il y a un des parents qui veut devenir le coach. Ouais, ben moi, j'ai le temps, je veux bien. Ok, vous voulez bien vous occuper de l'administration, du listing. Il y a un manager qui gère tout ça, qui coordonne tout ça. Ouais, il y a un mec qui ça. Et après, c'est les papas, les mamans qui dirigent l'équipe. Et nous, on était là pour les assister. La saison, elle commence fin août jusqu'à fin novembre, jusqu'à fin octobre. Donc, deux séances d'entraînement, plus le samedi le match. Mais les matchs, c'était quoi? Ils se rencontraient que entre eux. Tous les par catégorie. Par catégorie, oui, voilà. Et il y a différentes... Il y avait une autre ligue où il y avait des championnats. Il y avait deux, trois fédérations, comme nous, on a la FFGT, la FFF. Tu dois le savoir, en plus, au Canada, tu vois... Ça ressemble un peu à ça, pour l'instant. Toutes les ligues qu'il y a, différentes ligues. Et donc, en fonction du niveau, mais en fonction aussi du souhait des parents et des joueurs. Ouais, c'est ça, est-ce que tu veux jouer à un niveau récréatif, un loisir, compétitif? C'est ça. Nous, on était plus du côté récréatif. Donc, on se retrouvait à faire des séances avec les papas qui étaient en jeans, en chaussures, avec leur badge de leur entreprise. Comment tu vis ça? Oui, je m'éclatais, je rigolais. C'est vrai? Ouais, je rigolais. Mais qu'est-ce que t'en penses? Bien, pas bien, bonne idée, pas bonne idée? Si, au niveau de la conception, je pense que ce système-là, il pollue moins au niveau de l'état d'esprit de la compète, quoi. Et il met moins la pression aux gamins. L'implication des parents, ouais, n'est pas néfaste, tu trouves? Au niveau comme ça, sur la posture pédagogique. Ouais, mais là, c'était soccer, quoi. C'était. Si tu veux. C'est une bonne remarque. Oui, oui. Là, ils étaient pas. Ils s'en foutaient. Moi, là, ce qui est... Ouais, parce que tu raisonnes en termes d'éducateur de sportif. Là, c'était plus, à mon avis, dans le mode récréatif. Donc, à partir de là, ça changeait pas... C'était pas mortel, c'est pas grave. Ils vont pas apprendre grand-chose. Mais bon, c'est pas... Ça me posait pas problème. Ça me posait pas problème parce que c'était moi qui la faisais la séance. Voilà pourquoi. C'est toi qui concevais les séances? Ouais, c'est moi qui les concevais et puis c'est moi qui les animais et qui les faisais. Mais tu les transmettais aux parents? Ouais, je leur disais, vas-y, on va faire ça, ça, ça, ça. Sur le terrain? Ouais. Ouais, il y avait pas, ça avait pas, c'était, on n'avait pas le temps, quoi. On se voyait, machin, et après, c'est moi qui prenais en place. Parce que la plupart du temps, il y avait un groupe de 8. Donc c'était. Le papa ou la maman, elle était à côté de moi. Et elle était là plus au niveau de la discipline. Et ouais, c'est vrai que je leur ai pas laissé le temps de... Tiens, avec le recul, c'est marrant ce que tu me dis. Je leur ai pas laissé le temps de trop s'exprimer par rapport au terrain. Mais... Est-ce qu'ils le voulaient? Ouais, voilà, pas forcément non plus. Non, pas forcément. Ils étaient là pour quelqu'un, pour accompagner leurs enfants. Ouais. Non, pas forcément. Et donc, le samedi, ils avaient des matchs. Mais là aussi... Entre eux. Et nous, là, on ne coachait pas. Nous, le samedi matin, donc moi, le samedi matin, je commençais à 8h, de 8h à 13h, on avait 5 groupes. 8, 9, 10, 11, 9, 10, 10, 11, 11, 12 et 12, 13. 5 groupes. Ça allait des U6, U7 à pas plus grand, U5 et U8, je crois, les plus grands, j'avais des U8. 5 contre 5, là ils venaient avec un. Là ils avaient un. Il y avait un coach avec eux qui venait. Et là on faisait vraiment. Là, on était associés, quoi. Tu vois, il pouvait me présenter un exercice et je le laissais mettre en. Je le laissais faire. Oui, tiens, tu sais, c'est bien d'en parler, je me souviens. Une heure d'entraînement. Ça arrive, ça, c'était trop rigolo. Au bout de la troisième heure, je pouvais plus parler l'anglais. Fatigue. Ouais, mon cerveau il buguait. Je connais cette sensation. Et le truc, ben voilà, le langage universel, tu peux dire à tes copains là, s'ils aiment, c'est pas. Voilà, mais c'est ça aussi, c'est quel poste. Moi je suis un animateur, Thomas. Ça m'intéresse ce que tu vas dire. Je suis un fouteux. Je pense que je suis pas mauvais dans mon truc de coaching, machin, mais je suis un animateur surtout. Et c'est que du plaisir. Il n'y a pas besoin de parler. chanter des chansons en anglais et en français. Tout le monde était mort de rire. Les premiers, comment vous faites, David? J'en dis, je peux plus parler, j'arrive plus, mon cerveau il marche plus. J'invente. Je cours, je tourne, des petits. Ils m'ont offert, je me suis retrouvé $90 de bonus, quoi. C'était rémunéré? Non, ouais, j'étais rémunéré. Si, on était rémunéré par la société. Hébergé, rémunéré, on transportait. D'accord, il y a plein de choses prises. Je me suis fait un peu d'oseille, quoi. D'accord. Je suis rentré, j'étais pas à la gorge, quoi. Mm. Surtout, j'ai rien dépensé parce que moi, je sortais pas et tout. Et puis c'était prenant aussi. Puis putain, j'ai 40 piges, j'en ai pas 20. Je te dis, il y a l'anglais, il y a toute cette notion, je peux pas sortir le soir. Déjà, dans la ville, il faut Star City. Faut que vous appreniez tôt les gens. J'étais dans une ville où on pouvait être policier, venir chercher son enfant en tenue de policier. J'étais dans une ville 0% de criminalité. Bon, l'effet inverse, c'est qu'à 17 ans, les jeunes y partaient à San Francisco. Mais voilà, j'étais dans une ville aseptisée aussi, quoi. Il y avait, et moi, je pouvais pas, j'étais trop fatigué. Là, je voyais, c'était chaud. Les petits sortaient, ils connaissaient l'anglais, c'est leur langue. Même si entre eux, ils ne se comprenaient pas avec les accents du sud de Wales. Là aussi, j'ai découvert un truc, quoi. À 40 ans que... Entraîneurs de l'Angleterre. Ouais, même entre eux, ils ne se comprennent pas. Même les Américains avec les Anglais, ils avaient des problèmes de... J'avais un de petit... communication. Ouais. Donc, il y a plein de choses au niveau du langage. Donc, encore une fois, en France, c'est pareil. Les accents lillois, les accents sudistes de Marseille, du sud, c'est un melting pot. Et là, tu dis, waouh. Tu dis, ouais, mais t'es rien, en vrai. T'es rien. C'est que cette fois. Et c'est beau, moi, c'est ça qui... C'est beau, je le sais. Ça me fait pas vivre mieux, mais je sais que, voilà, je suis con. Il y a plein de choses. Peut-être que c'est... Tu vas me dire, mais moi, Thomas, je le sais. Ouais, moi, c'est Pierrot le naïf. C'est comme ça, quoi. Donc, je suis revenu avec un peu d'argent. Pas énorme, mais j'étais pas à la gorge, quoi, quand je suis rentré. Bon, déjà, cette fois-ci, ils ont payé. Ah ouais, bah ouais, c'est payé. Là, c'est payé. T'as une carte bleue, un compte et tout. J'étais un Américain. Avec les préjugés que tu avais finalement une fois. Alors, et les préjugés, bah, complètement erronés, quoi. C'est vrai? Bah ouais. Lesquels, par exemple? Tous, les gens, ils t'arrêtent, ils te parlent gentiment, ils sont. J'étais hébergé dans les familles, différentes familles, mais à chaque fois, j'ai pu discuter. Tant que j'étais pas fatigué, et tu tombes sur des gens qui n'étaient pas des bourrins, on a l'impression qu'ils connaissaient pas. J'ai dû faire 4 ou 5 familles. Allez, peut-être, il y avait comme. Tu partais aussi du principe qu'ils ne connaissent pas beaucoup la culture européenne, les Américains. Bah, c'est pareil. Moi, la moitié des gens, ils connaissaient l'Europe. Ils vont. Bon, il y en avait qui ne savaient pas si c'était encore un roi ou un président en France, mais voilà, si tu veux plein de choses, la gentillesse. Et les gens, ouais, tiens, tu rentres dans un bus, tu n'as pas de monnaie, tiens, je te le paye, une dame qui te paye, ils t'arrêtent ceci. Ah, mais vous êtes en train de chercher. Les gens qui s'arrêtent, au bout de 4 mois, je m'étais coupé les cheveux, j'avais des dreadlocks jusque-là, avant de partir, et j'ai fait le bouffon, quoi. Le mec, il rentre dans le moule, je vais pas me la jouer révolutionnaire avec mes dreads, j'ai coupé les cheveux. Mais au bout de 3 mois, ça a poussé et tout. Les gens, ah, monsieur, vous avez des beaux cheveux. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu vois, c'est... Que des petits trucs comme ça, quoi. Toujours vraiment gentil, beaucoup de religion. Mais ça, ils te le font pas vivre. Si on a une ou deux. Pas omniprésent. Non, mais tu les vois. Là aussi, tu te fais un rapport. Quand tu fais un voyage, quand tu voyages en France, bah, des églises dans les villages, il y en a tout le temps, tu les vois tout le temps, quoi. Ouais. Et ben là, c'était à peu près là. J'ai eu cette même sensation du côté d'où j'étais. Hein. Tu vois, la banlieue de San Francisco, San Mateo, des trucs comme ça, c'était. Voilà. Et finalement, c'est quoi l'impact de ces voyages sur toi? D'accord, tu pars pour être dans l'action, tu veux vivre des trucs, tu veux allier l'utile à l'agréable. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences? Ça m'a permis d'être encore plus ouvert d'esprit. Ça m'a permis d'être quand je te dis encore plus ouvert, c'est bah, ouais, qu'est-ce que tu connais, tu connais vraiment, tu connais pas l'autre, mais tu vois. Comment dire? Donc ouais, elle a permis de m'ouvrir encore plus l'esprit. Moi, je crois que je suis quelqu'un d'ouvert, quoi. Voilà, j'ai pas de. Et ensuite, bah, de pouvoir voyager, ça m'a permis de m'ouvrir encore plus et de comprendre encore plus certaines choses. Comme je t'ai dit, tu vois, de revenir d'Afrique et te dire, ouais, bah, on peut faire de l'humanitaire En France. En ouais. France, mon voyage aux États-Unis m'a fait réfléchir sur le communautarisme. Un communautarisme anglo-saxon par rapport à nous, ben encore une fois, alors, si tu veux, je suis contre le communautarisme dans un premier temps. Je pars aux États-Unis et là, ouais, il y a des drapeaux américains partout devant les maisons des gens, mais chacun se reconnaît dans sa communauté. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Il y a une identité nationale, ouais, mais en plus... Ouais. Ici, on nous a fait croire qu'il y avait une identité nationale, donc il y a une crise identitaire. La plupart des gens, ils ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir grandi en France, d'être en France par rapport à leur pays d'origine. Et aujourd'hui, bah, tu vois, toi, dans les devantures des pavillons ou des bâtiments français, bah, le drapeau portugais, le drapeau italien, le drapeau allemand, le drapeau algérien, marocain, tu vois, alors que tu vis. Tu vois, bah, si tu veux, je me dis, qu'est-ce que... Il doit y avoir une explication. Ben oui, bien sûr. Qu'on soit pas, que tout le monde ne s'identifie pas au drapeau français. Ben oui, non, mais bien sûr, mais qu'est-ce que... Pas nous. Parce que qu'est-ce que l'élite a loupé? Qu'est-ce que... voilà, et là, bon, on sort du cadre footballistique, oui, sportif. On va pas trop s'éloigner. Mais c'est... Voilà, donc si tu veux, les États-Unis, c'est à ce niveau-là que je réfléchis. Ce libéralisme... tous les week-ends, tu vas devant les pavillons, là, bah, là, des petits pâtés de maison, il y en avait beaucoup, comme le tien, là. Mais la plupart des week-ends, les gens, ils sont ouverts, là, leur parking est ouvert, et ils vendent leurs trucs. Ils se font des brocantes, en fait, c'est des brocantes, machin, ils n'ont pas besoin de... D'appeler la mairie, voilà, de ce que j'ai droit. Il y a des trucs, voilà, à ce niveau-là, quoi, qui font des petites différences, qui font que, bah ouais... on a loupé des trucs. En termes de régulation, les institutions sont très fortes. Il faut demander l'autorisation. Ouais, ouais, ouais, il y a plein de choses. Cette logique à s'appeler, à se dire vous, ce vous voyez. Ouais, tu vois, est-ce que c'est pas de l'hypocrisie? Alors que c'est là, même au niveau hiérarchique, c'est beaucoup plus direct, quoi. J'ai cette impression, quoi, moi, ce que je l'ai vécu. Alors, c'était encore une fois dans le foot, c'était sympa, c'était vacances, machin, peut-être que c'est... Mais j'ai pas cette impression, quoi. J'ai l'impression qu'ils s'appellent par leur prénom, qu'ils se tutoient, qu'ils se disent les choses, quoi. C'est... Voilà, à ce niveau-là, ça m'a fait un peu... Et j'ai passé que 4 mois, hein, c'est rien. Hein. Et que le côté ouest, parce qu'il paraît que le côté est des États-Unis, c'est assez européanisé dans les mentalités. Voilà, j'ai pas fait le centre des États-Unis. Il y a plein de choses qui m'intéresseraient, quoi. Bon, voilà, donc à ce niveau-là, au niveau des voyages, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est ça, c'est qu'à chaque fois, ça me fait un changement. Déjà, c'est une chance. Parce que à chaque fois que je reviens, je me dis, putain, mais David, t'aurais jamais. Comment tu sors d'où, toi, pour être. T'as pu faire ça grâce au foot, quoi. T'as, je me la raconte, hein, quand je dis, je suis entraîné au Sénégal, je le sens que ça fait jojo, ça fait bien, quoi. Même s'ils ne savent pas qu'est-ce que j'ai entraîné, mais c'est. Je le dis avec une certaine fierté, quoi. Hein. C'est. Non, c'est. Ouais, c'est grâce à ce métier. C'est... Est-ce que c'est là où. T'as parlé de. Citoyen du monde. Ouais. T'es pas né en étant citoyen. Enfin, tu es peut-être né non, en étant né citoyen en... du non, monde. Non, non, mais raison. Le fait de le conscientiser, à t'as quel raison. Moment. Ouais, n'hésite pas à me dire. Ouais, si c'est ouais, pas... ouais, t'as raison. T'as raison. Bah, pourquoi citoyen du monde? Parce que, bah écoute, Non, même, enfin, au-delà de pourquoi, c'est quand est-ce que tu as commencé à le dire? Bah, je crois que je l'ai toujours. Ah. Non, pas toujours. Je non, pas toujours, mais sur la cette notion de voyage depuis même. Parce que c'est vrai que je le dis et maintenant je signe des fois certains trucs où je le mets. Mmh. Et moi, c'est venu à un moment donné, on m'a dit quand je reviens en France, on m'a dit ah, tu reviens à la maison. Je dis mais. Ouais, je sais pas. Ouais. Quand je retourne au Canada, on me dit tu reviens à la maison. Ouais. Je dis du coup, je savais plus. Ouais. Quand je vais en Serbie, là, on me dit ah, tu reviens à la maison. Et du coup, non, je me remets en question. Est-ce que je peux avoir plusieurs maisons à différents endroits? Ouais, tu... Quand je suis allé en Corée du Sud, je suis parti, je suis revenu, on m'a dit tu reviens à la maison. Je dis mais en fait, j'ai pas de maison. Ouais. Et du coup, je me suis dit mais est-ce qu'on n'est pas. Parce que je ne suis pas un habitant de cette planète. Et puis, bon, advienne que pourra. Elle est là. Mais c'est ça, là. C'est ça, un peu. Moi, je n'ai pas de... j'ai pas d'attache. Mais moi, c'est très récent, toi. Je ne sais pas. Moi, j'ai... Non, ouais, ça, bah, ça doit dater de mon premier voyage, quoi. Les gens qui ont des citoyens du monde. Mais mes potes... de quartier, quand je rentrais dans le café qu'on fréquentait... quand on était des jeunes adultes, ils s'arrêtaient de parler de racisme et de toi t'es noir, toi t'es un arabe, toi t'es un marocain, toi t'es un tunisien. Parce que c'est pas que je devenais méchant, mais ils savaient que j'aimais pas, quoi. Et tout de suite, si tu veux, c'est... Et aujourd'hui, ouais, c'est depuis 2006, mais depuis, je suis... profondément humain, et mon histoire, Thomas, fait que ça peut être que beau je suis, d'être comme je suis, quoi, de se considérer comme un citoyen du monde. Je suis pas, non, je suis pas assez. C'est merveilleux. Je suis un juif des années, bon, qui est grand dans les années 70, qui était un jeune adolescent dans les années 80, quoi, 82, qui a grandi dans une cité où il n'y avait que des musulmans. La connotation musulman-juif, elle est importante chez moi. Qui a joué au foot, donc dans un milieu collectif, qui a grandi dans une ville de communistes. On avait le droit à des manteaux gratuits, des bottes gratuites. On partait en colonie pour 3 francs, 6 sous. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études. Je peux pas être, je suis qu'un citoyen du monde. Et mes parents, ils parlent l'arabe. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Tu te rends compte, si tu fais attention, c'est que tous les plats traditionnels que ma mère elle fait, c'est tous les plats traditionnels que les parents de mes potes font. Comment je peux ne pas aimer les autres? Comment je peux critiquer Pierre, Paul ou Jacques? Je suis arrivé au Niger, on m'a dit donne-moi tes chaussures parce que t'es un blanc. Mais t'as craqué, mon ami. Je suis peut-être un blanc, mais mes parents, tu sais pas d'où ils viennent. Et moi, je suis pas un colonisateur. Mais je te comprends, t'as le droit de dire ça. Je comprends aujourd'hui que, ouais, même que vous voyez devant vous, j'ai beau vous dire que je suis là, je suis les mains dans les poches, que je suis, d'accord, je suis diplômé d'entraîneur, d'accord, je suis peut-être un bon ou pas bon, mais j'ai pas les moyens de vous emmener en Europe, j'ai pas envie parce que ça te sert à rien. Il faut que tu sois mentalement costaud, il faut que tu partes, tu peux pas partir à 17 ans, il faut que tu partes à 23, 24 ans. Mais si on a un réseau solide, peut-être que oui, je peux pas faire partie d'un maillon, ou je peux te faire décoller, mais tout seul, je peux rien faire. Donc oui, je peux pas, et je suis un citoyen du monde, bien sûr, quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui, mais tu deviens dingue. Du coup, je te pose la question, David, parce que je vois que t'embrayes. Avec toutes les expériences que t'as, et toi, tu as vécu le foot en tant que joueur, maintenant éducateur et entraîneur parmi tes aventures, je sais que la réponse est vaste, on va pas pouvoir y répondre aujourd'hui, mais selon toi, comment tu pourrais appréhender le foot de demain? Comment on pourrait faire en sorte qu'ils répondent peut-être à des attentes que les jeunes n'ont pas encore, ou que les entraîneurs n'ont pas encore, ou, le football, c'est devenu presque un peu une sorte de religion, un peu mondialisée, j'exagère un peu les propos. Mais à travers ça, à travers tous les bons messages, tous les liens qui ont pu être faits entre les personnes, entre les joueurs, entre eux, quand tu voyages, quand tu arrives, comme tu l'as dit, hein, tu arrives sur le terrain à Guinée, il y a des gens qui viennent jouer, ça crée de la communication, ça a créé du lien, tu as pu trouver une équipe à entraîner, puis après tu as pu trouver un autre endroit. Quand tu arrives aux États-Unis, tu es fatigué de parler, moi je connais cette situation, 3 heures en anglais. Puis à un moment donné, tu t'adaptes et tu crées une autre façon de communiquer. Mais le foot crée du lien, est un moyen de lier des gens, par exemple, à travers des projets ou autres. Comment on pourrait l'imaginer, le football, fait longtemps, si tu as envie, hein. Ouais. À quel niveau? Au niveau national, au niveau international, au niveau local? Moi, à mon niveau, au niveau international, national, ça nous dépasse. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on... Des profils comme les nôtres, hein, et on est plein. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local, au sein de notre petit club de foot? C'est différent en Afrique, c'est différent aux États-Unis, mais ça peut se développer si aujourd'hui... Le football de demain en Afrique, ou même le développement par rapport, il y a une connexion à avoir avec toute cette génération de migrants qui sont de jeunes subsahariens qui sont français, quoi, hein, et qui ont leurs racines, que ce soit au Mali, au Sénégal, au Congo, peu importe, il y a moyen de faire des trucs. Bon. Donc c'est. Qu'est-ce que. Le foot. Ouais, au niveau local, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment? Est-ce qu'on arrête pour moi aujourd'hui on est dans l'hypocrisie. Alors peut-être que ça va être un peu fort de café ce que je vais dire. Tout le monde est axé sur la compétition. Tout le monde est axé sur la compétition. Les éducateurs, malheureusement, ne sont pas formés. Et au-delà de la formation, est-ce qu'ils ont les compétences intellectuelles pour pouvoir vraiment transmettre un savoir ou transmettre un apprentissage? Parce qu'en fait, plus on est dans l'école de foot, on est un apprentissage. Comment apprendre à jouer au foot entre 6 et 12 ans? Aujourd'hui, pour juste te donner un exemple à mon argument, les éducateurs des U10, U11, U12, U9, ils partent avec leur groupe de joueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un éducateur qui a joué dans une ville X, il ne s'est pas entendu avec son club, et encore aujourd'hui, c'est encore ça, c'est ça aussi. Hein. Et moi, là, je le fais parce que moi, le premier, depuis 10 ans que je suis parti de Stade de l'Est, j'ai changé de club toute l'année. Tout le temps. Mais bon, je suis jamais parti avec mon groupe de joueurs. Donc cet éducateur de U10, il part avec dans la ville Y, il emmène tout son groupe de ville Y. Du coup, il faudrait bloquer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les petits habitants de la ville Y, ils ont pas le droit d'aller au club de la ville Y, dont les parents payent les impôts locaux, les infrastructures. Ben, si tu veux, on veut tu vois, il faut aller chercher. Aujourd'hui, les parents, ils te loupent pas. Ils viennent dans le club Y parce que lui, le club Y, il fait la marque Z, qui est meilleure que la marque H de la ville H, de la ville B. Donc, éducation, éducateur, le premier pôle, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait avec des éducateurs? Qu'est-ce qu'on fait? On leur apprend vraiment à jouer à des 10 ans. C'est important qu'ils savent qu'ils jouaient en 3-3-2, ou c'est plus important qu'ils savent commencer à droite, à gauche, respecter quelques règles. Allez, je vais peut-être un peu... Ouais, je vais pas le dire, c'est trop fort. Mais, mais voilà, qu'ils commencent à maîtriser leur dextérité, pied droit, pied gauche, main droite, main gauche, qu'ils arrivent à 12 ans, 13 ans, ben justement, où ils vont commencer à grandir. ils vont commencer à être déjà perdre, prendre deux poids, partir à droite, à gauche. Ben, ils auront cette notion de coordination pour pouvoir gérer le changement de leur corps. La respectabilité, le copain, ne pas être dans la compétition. Mais comprendre vite fait que si sans toi, mon gardien de but, je ne peux pas gagner de match. Sans toi, mon attaquant, sans toi, mon remplaçant, sans toi, le dirigeant, sans toi, l'arbitre, on ne peut pas jouer. Est-ce que c'est peut-être pas ces choses-là qu'il vaut mieux leur apprendre? Et après, l'intelligence tactique, ouais, ça revient un peu plus tard. Le physique, alors aujourd'hui, ouais, je sais pas, moi, 8 ans, 10 ans, tu les vois accélérer son ballon, faire du fractionné, t'as l'impression, on parle de gainage, machin, ok. Mais vas-y, on s'en fout, les mômes. Donnez-leur les ballons, qu'ils jouent. Ils vont se muscler. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de se muscler en vrai? Le cœur, ils courent, ils sont fatigués au bout de 5 minutes. Et au bout de 3 minutes, ils repartent sur 5 minutes. Et c'est pas grave, celui qui a moins de force que Pierre, que Paul, un gamin qui est né en 2011, s'il est né au mois de janvier, il va être différent que de celui qui est né au mois de septembre 2011. Et là, tu les fais jouer dans la même catégorie. Peut-être que c'est commencer à réfléchir par ça pour qu'ils vraiment s'épanouissent. Arrêtez de pousser les gamins. Et il y a le vecteur social. Les parents, ils sont demandeurs. Aujourd'hui, ils sont demandeurs. Ils pensent que la carrière du père, on l'a entendu, c'est basique ce que je dis. Hein. Ouais, le fils, il va reprendre la carrière que le papa, il n'a pas pu. Alors que le papa, en vrai, il croit, tout simplement. Il n'a jamais joué à un niveau que les départementales. Moi, mon niveau, il est régional. Si j'avais peut-être insisté, mes parents ne m'ont pas laissé jouer, aller en sport-études parce qu'il ne fallait pas, la culture fait que... Mais voilà. Bref. Donc aujourd'hui, on a l'impression que tout est plus simple, tout est plus facile, que tout, on claque des doigts et ça va le faire, et que tout nous est dû. Tu vois, dans le milieu associatif, pour aller dans le sens toujours de ta question, le foot de demain, il y a ça aussi. Quel statut juridique on donne au club? Ce rôle d'association? Toujours, ce qui me paraît, pourquoi pas, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réexpliquer ce que c'est une association. Tu vois, on a exemple, on a parlé, j'ai trouvé très efficace. Oui, cotisation, les parents ils demandent un remboursement. Et les clubs, comme des imbéciles, ou pas des imbéciles, parce que les dirigeants, on en revient tout à l'heure à la discussion, les dirigeants de ma génération, ils savent pas, même eux, ils savent pas qu'une cotisation, c'est pas un abonnement. Que les parents, ils payent une cotisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent pertinemment que sur les 230 euros, eh ben, il y a pas 230, ça représente 23 euros par mois, ça fait rien du tout sur 10 mois, mais en plus, si tu sais, tu t'intéresses, tu sais que les éducateurs, ils sont payés et c'est pas au vrai rapport. Dédommagement. Ils sont dédommagés. Tu sais que si tu t'intéresses, même un match de Critérium, tu prends des amendes si tu ne remplis pas une feuille de match. Tu as besoin d'argent. Et tu sais que le système associatif, dans ta connaissance, il ne vit qu'avec les subventions et avec les cotisations. Donc ça, tu penses que les parents ne considèrent pas? Mais non, ils ne le savent pas, ils veulent être remboursés. Pourquoi ils nous font faire des stages en plus, là? Il faut changer le format des associations? Non, il faut expliquer. La notion d'associatif, elle est géniale, Thomas. En Allemagne, ils s'éclatent avec ça. Il y a une connotation un peu plus religieuse. Mais le système associatif, il devrait être très très fort. Et encore une fois, malheureusement, je pense qu'il a été laissé à l'abandon par nos gouvernants. Il y a de moins en moins de sous. Après, tu vas dans le 92, bing, il n'y avait pas ce quoi, machin, ils ont tout ce qu'ils ont voulu dans le 92 au niveau social. On en est là, ça veut dire non, il ne faut pas changer, mais réexpliquer les choses. Réexpliquer les choses. Parce que c'est trop compliqué. Je pense que comme la France est un pays où justement l'associatif est ancré depuis longtemps, les gens qui participent maintenant ont oublié ce que c'était Et ne savent plus vraiment. Je pense qu'ils ne savent pas. D'accord. Ou alors ils ont pas. Mais moi, j'ai peut-être. Mon truc, c'est que j'ai eu la chance de vivre que autour de ce monde associatif. Donc j'ai une bonne connaissance. Mais dans ma petite tête de pyrole naïf, ouais, c'est tout le monde. Un mec qui a joué en senior, qui a fait sa cinquième année de club, sixième année de club, il sait très bien qu'il doit la payer sa cotisation, que ça doit être les seniors qui doivent payer leur premier. Des petits clubs, je te parle, attention, il faut faire la différence. Et c'est malheureusement ça, on prend trop en exemple l'élite. Ils pensent que c'est des clubs de football, c'est ça ? Comment ? Mais exactement. Exactement, alors que ce n'est pas ça. On n'est pas, c'est juste ça. C'est juste une vitrine. Et pour nous, éducateurs, et encore, mes petits de 10 ans, ils ne sont pas capables de suivre un match. Sur une heure et demie, ils ne tiennent pas en place. C'est trop compliqué. Mais à partir du foot à 11, ok, regardez les matchs. Là, vous avez les meilleurs. Tu vois, donc là, c'est qu'est-ce qu'on fait ? La relation entre l'école. Quand j'ai commencé dans les années 90, j'étais pion. Non, non, sur un Bondy. Ma vie, elle a tourné dans le 89, j'avais 20 ans. Et des voyages. ouais. J'ai 20 ans, je me retrouve. Moi, je veux être un peu prof, je veux un truc comme ça. J'ai le bac, mais il faut que je travaille. Mon père, il n'y a pas d'argent, quoi. Il m'a dit, tu vas travailler dès que tu as eu ton bac. Je lui ai dit, non, je vais faire les deux, papa. Je joue trois avec le foot. Et donc, je me suis retrouvé pion à Bondy. Et tout de suite, j'ai voulu ouvrir l'école à la cité. Mais ils ne m'ont jamais laissé. Ah non, on ne peut pas, c'est un sanctuaire, c'est ceci, c'est cela. Aujourd'hui, ça s'ouvre un peu. Ça commence. Mais il y a tellement de monde dans les bahuts que tu ne peux plus. C'est toujours. Là, je travaille dans un bahut, il y a 500, il y a 400 mots. Je suis tout seul comme conseiller principal d'éducation. J'ai une équipe de 5 ou 6 surveillants qui sont là à mi-temps, machin et tout. Mais il y a tout. Il y a une classe Ulysse. Il y a des mômes qui sont perchés. Il y a des mômes qui sont ceci, l'hôtel est violenté. Mais comment tu fais ? Comment tu fais pour gérer tout ça ? Comment tu fais ? C'est con. Donc, on n'est que dans. Il devrait y avoir. C'est que des passerelles. Il y a un triptyque au niveau de l'éducatif. La cellule familiale, l'école, la rue, l'activité extrascolaire, qu'elle soit sportive, culturelle. L'enfant, il s'accompagne autour d'eux. On l'accompagne parce que c'est ça. Le mot élever, Thomas, le mot accompagnement, ils prennent tout leur sens. Élever, je t'élève au rang d'adulte. C'est ça le but du jeu. Je t'ai donné les propositions. C'est bon. On n'aura pas toutes les réponses. Mais le parallèle avec le système scolaire m'intéressait, ouais. Et c'est donc voilà, le foot de demain, c'est soit il va se libéraliser. Moi, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir. Soit je monte mon académie avec un ou deux potes. Je fais pas de compète, je fais que des séances en plus pour les gamins. Je te forme une génération. Et je peux tout faire. L'accompagner au niveau scolaire, l'accompagner au niveau sportif, au niveau s'il est bon. Mais vraiment, tu vois, faire un vrai accompagnement, quoi. Et parce que j'ai les capacités. Mais ça, il faut. La capacité que je n'ai pas, c'est la notion commerciale, la notion visibilité, communication. On tourne en rond. J'ai un ami avec lui, on tourne en rond depuis 2-3 ans. Et parce qu'en fait, on se le dit pas franchement, mais elle est là, la réalité. Les deux, on est les mêmes. On est plein de projets, plein de ceci. Mais lui, il faut qu'il vive. Il est père de 3 ou 4 enfants. Moi, je suis un peu à l'arrache à chaque fois. Genre, bon, bah, des fois, ça va à droite, à gauche. Mais c'est difficile aussi quand tu es tout seul. Tu vois, et que tu n'as pas de répondant. C'est facile d'écrire, mais tu n'as pas, et tu le présentes, tu vas pas. Tu sais, comme tu es. Le truc là où je ne peux pas, c'est que je ne vais pas assez faire le. Et peut-être que ça va être ça mon travail, c'est de. Vas-y, je vais écrire un truc et je vais vous le balancer. Il y a peut-être un ou deux personnes, tu vois. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple que peut-être il y a 10 ou 15 ans. Tu vois, ouais, le foot de demain, c'est revoir totalement, mutualiser. Et après, ta posture, elle est intéressante. Peut-être libéraliser, parce que, ouais, le rapport des parents à l'associatif, le nombre d'enfants dans les écoles, mais justement parallèle dans les clubs de foot, c'est où on a du mal à faire de l'individuel, on a du mal à... C'est de la masse, c'est pour un projet qui est parfois un petit peu... les parents se projettent à vouloir avoir un parcours qu'ils n'ont pas eu, donc il y a une pression, tu en parlais tout à l'heure, qui est intéressante. D'accord, David, on pourrait en parler pendant longtemps, ouais, mais c'est l'idée, on a quand même... Enfin, c'est ça. Quoi, mentor. Football, mentor. C'est ça, c'était éventuellement... Mentor, ouais, j'ai... Des mentors, moi j'aime bien, mais c'est des... que j'ai découvert comme Je vais poser la question, mais on n'est pas obligé d'en parler, ouais. Mais c'est, moi ça m'intéresse quand même, j'aime bien. C'est déjà parce que c'est comment dire, une habitude dans le podcast. Mmh. Dès que j'échange, dès que j'ai le privilège d'avoir quelqu'un qui donne de son temps pour pouvoir partager son expérience. Et c'est un peu... des fois, les opportunités, c'est... les opportunités, elles se créent, c'est parce que tu as osé, tu t'es mis dans l'action. Toi, tu t'es dit, ok, l'utile à l'agréable, ok, je veux partir en voyage, mais autour du foot. Mais j'ai l'impression aussi que souvent, c'est quand même des rencontres. Et la question, c'est un peu, David, est-ce qu'il y a eu un, deux, trois mentors sur ton parcours? Et si oui, quels impacts ils ont pu avoir sur ton parcours? Ouais, non, j'ai pas eu, je crois pas. J'ai pas des mentors dans le sens des gens qui m'ont dit fais ci ou fais ça. C'est ça. Non, j'ai pas de mentors. J'ai des personnages. Mm-hmm. Je pense que tous mes entraîneurs de foot à Romainville, ils m'ont marqué. Que ça soit Monsieur Lonca. Et ça s'est mal passé avec lui, hein. J'avais 20 piges, j'étais souvent dans la lune quand j'arrivais à l'entraînement. Et bon, la première année, il m'a fait jouer en réserve, après, il m'a fait jouer en première. C'était un peu qu'on avait un rapport pas conflictuel parce que j'étais toujours dans mon monde. Et je me prenais pas la tête, mais c'était marrant la deuxième année. Après, c'est tranquille, et puis à la fin, c'est de toute manière, c'est. On s'est rencontrés après plusieurs fois et le rapport était très bien. Mais tous, du premier... Tu vois, je ne me rappelle pas beaucoup de mon enfance, mais je me rappelle de mes entraîneurs. Et tous, ils m'ont tous marqué. Apporté quelque chose. Ouais. Je ne sais pas s'ils m'ont apporté quelque chose, mais ils m'ont tous marqué. Et aujourd'hui, je ne sais pas si... Pour moi, quelque chose de super fort aussi. Je suis toujours pote avec mes quatre meilleurs copains. Avec lesquels on a joué au foot, juste de minime, 13 ans jusqu'à 18 ans junior, quoi. Et on s'est perdu de vue 20 ans et on s'est retrouvé depuis nos 40 ans. Tu vois, c'est... Et bref, et là on vient de retrouver aussi tout un groupe, un vieux groupe de CR de Romainvillois. Donc tout ce que je suis, ouais, mes mentors, c'est ça, c'est pas, j'ai pas de... J'ai des gens qui m'ont marqué, mais après, c'est complètement que moi, quoi. Je suis à l'envers du sens. Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Mes parents voulaient que je sois médecin ou rabbin. Je fais du foot. Pour mon père, le pauvre, je travaillais pas. Hein. Ma mère, elle a compris, parce que, encore une fois, les meufs, ça reste un peu plus posé, les mamans et compagnie, quoi. Et surtout les mamans de culture africaine ou maghrébine. Etienne. Ça aussi, ça me rend dingue, quoi. Ma maman, elle a un peu compris, quoi, que c'était mon truc, mais pour moi, je travaillais pas. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, laisse tomber le foot, hein. Pas de femme, pas d'enfant. Je suis le seul de ma famille. On est 60 petits cousins germains. Je suis le seul garçon qui n'a pas d'enfant, pas de... C'est l'un et l'autre, quoi. C'est pas grave, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous. Mais c'est que ma vie, elle est pas normée, quoi. Mmh. Tu vois, c'est ce que j'ai essayé de comprendre. Posant quelques questions, d'où ça vient, est-ce que Non, ma vie, elle est... Donc j'ai pas de mentor et c'est tout seul. Et le seul truc, Thomas, ouais, je suis super heureux. J'ai pas été footballeur professionnel. Putain, je vis du foot, quoi. Mmh. Et j'ai voyagé grâce au foot. J'ai de la chance d'être entouré. Je suis pas une flèche de travail. Je suis pas... Mais voilà, c'est un gros kiff. Donc voilà, mentor, non, je me suis fait tout seul. Il n'y a pas, c'est moi et... et Farid Djemma, il me traite de fou. Faudrait lui donner Stéphane... la parole, justement. Ah, Farid, bah ouais, mmh. C'est un autre truc, ouais, ouais. On va se rejoindre sur l'aspect sportif, éducatif, mais pas sur le... Sur le parcours, l'aventure, ouais, l'histoire. Ouais, non, non, mais son, Stéphane Zaidi, c'est pareil, j'ai une... ils savent que... c'est... Voilà, mais c'est bien. Je suis, là, je suis content d'avoir trouvé des garçons comme Stéphane, comme le président. Et même toi, si on est même... Si toi, Romain... bon, un garçon comme Farid, je ne l'ai jamais lâché, mais c'est, quoi, on, c'est un, même si on ne on s'appelle pas pendant 6 mois, là, on s'appelle, mais il y a une époque où on ne s'est pas appelé. Voilà, on est là, mais c'est compliqué, même pour... parce que je sais que lui, il est beaucoup plus cartésien, beaucoup, il cherche à vivre, il cherche à faire ceci, mais je vois qu'il est, il est pas dans tous les sens, il peut pas. C'est compliqué, il faut qu'on... Et, donc, ouais, l'évolution perso, si tu veux, pour aller dans la continuité. Mentor, ouais, pas de mentor, donc hein, je suis désolé, j'ai que des personnages, j'ai que des exemples. Après, moi, au niveau du foot, ben, je kiffe Bielsa. Je l'ai découvert, je vais pas te dire que je le connaissais avant qu'il arrive à Marseille, c'est pas vrai. Je vais pas te dire que j'ai lu toute sa biographie, mais rien que le personnage, rien que le voir les matchs comme ça, moi, voilà, c'est lui que je veux être. Si je suis, la passion. Si je suis en Ligue 1, si j'avais la chance de faire du foot à ce niveau-là, je serais comme lui. Et bon, peut-être qu'au bout d'un moment, je regarderai les journalistes dans les yeux, je sais pas, mais ouais, ouais. Mais t'embêtes pas pour le, non, non, le non. Point 7. Et le, non, parce le point que, 7. Non, on peut. Le, non, ouais, parce que franchement, je sais pas si je vais le couper en montage, on va voir, mais déjà la pièce elle est petite. Je me dis, les chaises elles sont pas forcément super confortables, il fait chaud. On a fini. Mais, non, mais fini, je te remercie ouais. D'avoir. Parce que je me dis, le cadre, là je sais pas si les gens ils écoutent, mais on est dans la. Ouais, c'est vrai, on est en direct. Non, mais je sais pas si je vais le mettre en montage. Ah oui. Mais pour ceux qui peuvent écouter, c'est qu'on est dans la. On est dans la pièce de jeu de ma nièce. C'est quand même. Tu sais, t'as bon, accepté. Okay. Moi, je trouve ça dingue. Mais et non, je te remercie. Peut-être t'es fatigué parce qu'on avait fini. Là. Bah oui, non, mais c'est de l'amateurisme et tout. Et en plus, je vois que tu prends. Tu sais, il y a les rayons du soleil qui passent. Non, mais ça va, je commence à avoir un peu chaud, mais c'est. On peut. Non, c'est bon pour moi. Bah, c'est bon, allez. Ouais, non, j'ai pas écouté. C'est cool. Moi, juste une petite phrase de conclusion. C'est ça. Merci Thomas. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Parce que bah ouais, ça j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas si c'est pertinent ce que je dis, mais en tout cas, c'est cool. Ouais. On sait pas ce que ça va donner. On réfléchit pour l'améliorer la prochaine fois, ce sera peut-être pas la dernière, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ton parcours. Et merci beaucoup David. C'est dommage à l'audio, je sais qu'il y en a qui vont faire la remarque, tous les gestes que tu as fait, l'animation que tu as mis, et je pense que ça s'est entendu, et je pense que c'est la première fois que ça va être comme ça, et ça va avoir une saveur particulière. Merci beaucoup, c'était bah, génial. Cool. Non, et non, pour bien. Moi, c'est pas trop long, mais c'est juste qu'après, on peut pas, tout aborder. Mais je connais l'histoire. Non, parce que remarque, l'évolution perso, c'est. Mais on l'a abordé. C'est, voilà, c'est aujourd'hui, bah oui, sur ces à moyen terme, c'est. Bah, essayer de développer à Livry-Gargan ces histoires-là de foot éducatif. Là, je crois qu'il y a un bon. Il y a tout cet assemblage qui peut être fait. Maintenant, il faudrait. Que je me mette à travailler vraiment pour essayer d'avoir un écrit, quoi. Je reste persuadé que les écrits, un écrit à présenter, ça peut permettre de comprendre. Parce que là, je suis dans l'évasif, je suis dans la passion. Voilà, le but du jeu, ça serait vraiment de monter un programme pour retourner au niveau scolaire, comme l'école, quoi. Là, cette année, avec les U10, me pousse à comprendre que... Il y a un truc, quoi. U10, U11, U12. Allez, voire U13 si tu commences à jouer à 11, voire U9. U6, U8, laisse tomber le foot comme ça. Il faut les mettre au multisport. Les parents, mettez vos enfants au multisport. Le foot, 9, 10 ans, 6, 9 ans, s'il est un peu mature. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire de la maturité? L'épisode est terminé. Je vous félicite. 2 heures de foot et de voyage, avec une qualité en duo encore à peaufiner, à améliorer. Les intervenants sont encore de qualité, mais c'est le contenant qui est à travailler. J'en fais l'objectif. N'hésitez pas à me faire des retours sur footballagogie@gmail.com ou sur les plateformes de partage que peuvent être Twitter, Instagram ou Facebook. Mais j'ai pris le parti d'arrêter l'épisode sur une recommandation de David, aussi passionné qu'il puisse être, celle de ne pas inscrire ses enfants au football, mais plutôt au multisport. C'est une posture que je me suis déjà vu adopter. J'ai trouvé l'anecdote parlante, en tout cas pour moi. Si vous avez des recommandations à faire, des personnes que vous aimeriez entendre sur ce type de contenu, n'hésitez pas à me les soumettre. Et si vous souhaitez continuer l'aventure, vous êtes évidemment plus que bienvenue. Je vous donne rendez-vous prochainement, on partira cette fois-ci au Vietnam avec un nouvel éducateur passionné. En attendant, évidemment, prenez soin de vous.